quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent du blister, du boîtier. Tous les jeux vidéo qu'on fait Nintendo sont sacrés. Mais avec la Wii U, ces petits voyous, ces gogo, avec leurs gros engins, ont pris les genoux pour des cons. Moi qui navigue entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est geek, on est geek. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est geek, on est geek. Entre nous, c'est un podcast. Geek Mega Drive ou Geek Dreamcast. Geek de la dernière Switch, vieux geek la NES d'antan. Petit geek de la dernière Switch, vieux geek la NES d'antan. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour, ici Capoué et Kawaii Matt. On est ravis. On est ravis de vous avoir pour ce premier podcast de Quand on est geek, diffusé sur PodCloud. On peut même déjà s'abonner, on peut télécharger sur Podcast Addict, etc. etc. On est vraiment très contents, quand même. On va pas se mentir. Avec mon comparse Kawaii Matt, on est parti d'un simple constat il y a un peu plus d'un an en disant « N'empêche, dans les repas de famille, les geeks sont vachement pris à part. » On nous dit « Non, on nous laisse tomber, les geeks n'ont que les jeux dans la tête. » Ben c'est pas vrai, on a tous un avis sur tout et n'importe quoi. Et c'est là qu'on vous donne la parole. Pendant un an, on a fait ça sur Twitch. Ouais. Et on va continuer ça, d'ailleurs, régulièrement, les grosses émissions, on va les faire sur Twitch. Oui, tout à fait. Mais peut-être une fois par mois, un truc comme ça, on va tenter un petit podcast d'environ une heure. On verra encore le format pour voir comment on peut se débrouiller pour parler simplement et surtout nous avoir dans vos oreilles quotidiennement ou même avant de vous endormir, pourquoi pas. Du coup, c'est beau ce que tu dis. Oh merci, merci, merci. Au cours de cette émission, nous aurons des intervenants, des invités qui me tiennent plus ou moins à cœur. Non, c'est pas vrai. Ils me tiennent tous à cœur. C'est une blague, voyons, c'est une blague, voyons. À commencer par mon ami, qui je pense sans qui cette émission n'existerait pas. Mon comparse de commentaires de speedrun également. mon ami Lillois, mon ami Kawaii Matt. Oh, ça me touche ce que tu dis, Capoué. Bon, je te remercie. Bah alors, je fais ce que je peux. Faut qu'on explique plus ou moins comment ça va se dérouler, parce qu'on enregistre l'émission en plusieurs parties, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, on peut même tout dire, hein, tant pis, parce qu'on va partir du simple principe que dans cette émission, on va tout dire. Ça, c'est clair. Voilà. Grosso modo, il y a eu un super quiproquo. On est le mardi 3 avril. On s'est dit avec Emma, tiens, enregistrons mercredi matin. J'ai mon jour de repos mardi, j'ai le temps de tout planifier. Mercredi matin, on enregistre. Et Kawaii n'a pas compris, il crut qu'on enregistrait mardi matin. Du coup, on est obligé d'enregistrer sa partie bien avant. À part. Voilà. Du coup, il y aura une deuxième partie d'émission où on fera intervenir tous ces gens que j'aime beaucoup et que vous découvrirez avec moi et que vous retrouverez, je l'espère, si vous les connaissez déjà. Du coup, mon petit Kawaii Matt. Enfin, mon petit d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis petit parce que Kawaii Matt est quand même parce que c'est affectif, tout simplement. Oui, voilà, tout simplement. Je vais couper la musique assez violemment d'ailleurs. Oui, j'entends voilà ça. Qui est fait. Tu vas nous parler d'un petit sujet plutôt geek pour le coup, c'est-à-dire le Nintendo Labo. Mais Kawaii Matt, qu'est-ce que le Nintendo Labo ? Qu'est-ce que c'est que le Nintendo Labo ? Mais le Nintendo Labo, c'est une nouvelle création de Nintendo. Alors, comment est-ce qu'ils en sont sortis en fait ? Chez Nintendo, ils se sont sûrement réunis autour de Shigeru Miyamoto et de la machine Akawa. Et ils se sont dit, la Switch, c'est un carton. Zelda, c'est un carton. Splatoon, c'est un carton. Alors Mario, n'en parlons pas, c'est un véritable carton. Mais pour créer notre prochain jeu, c'est quoi le point commun entre tout ça ? Hein, c'est quoi le point commun ? Mais le carton, pardi, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire des jeux avec des cartons. Voilà. Et c'est là où est né Nintendo Labo. Alors est-ce là, vous entendez notamment le petit son du piano. J'ai pas le badoumti pour ce jeu de mots un petit peu foireux, mais qui m'a fait rire à l'écrit. Bizarrement, maintenant que je l'entends à l'audio, j'ai un petit doute. C'est moins ça. Non, vas-y. Bon alors, Nintendo Labo Kezako. En fait, concrètement, Nintendo vous vend du carton que vous devez plier et dans lequel vous devez insérer votre Switch. Alors, soit les Joy-Con ou soit... Joy-Con, ou soit la tablette de la Switch. Switch. Alors, je vais y arriver. Et donc, concrètement, comment ça marche ? Je baisse un peu le son parce que je m'entends plus. Hop, concrètement, comment ça marche? Bah, en fait, avec les Joy-Con ou avec la manette, enfin la tablette plutôt, vont s'afficher des éléments. Donc, notamment, vous pouvez faire un piano, un aquarium, vous pouvez faire une canne à pêche. Enfin, il y a vraiment plein de choses comme ça. Alors, moi, je trouve ça très intelligent. J'ai vu aussi qu'on pouvait faire un genre de robot. Ouais, le truc le plus complexe, qui doit coûter peut-être 150 ou 160 boules ou un truc comme ça. Ouais, alors je crois que c'est 70 balles le truc. Et d'ailleurs, ah ok, j'ai rien dit. Il y a eu une blague qui m'a fait marrer pour le 1er avril où on disait qu'en fait le nouveau combattant dans Super Smash Bros c'était le robot justement et il fallait s'équiper du machin. Bon, moi ça m'avait fait marrer quoi. Bon, bref. Alors très franchement, ça aurait été super original. Si vraiment ils avaient fait ça, c'est ça aurait été super cool. C'est pas faux. Là, ça aurait été novateur et ça aurait fait vendre un petit peu. Du coup, voilà, je trouve ça vachement original parce que Nintendo revient à ses premiers amours qui étaient le jeu en bois, le jeu en carton. Ouais, des cartes, tout ça. Voilà, avec des cartes. Et c'est vraiment une super façon en fait de remettre un peu d'innovation dans le jeu vidéo. Alors, c'est vrai que Nintendo n'a pas la puissance nécessaire pour faire de la VR ou pour faire ce genre de choses. Donc, comment justement optimiser sa console? Et bien, pourquoi pas en partant justement sur des jeux en carton. Voilà, je trouvais ça vachement intelligent. Et du coup, voilà, je trouve le concept très intelligent, très intéressant pour aller à contre-pied de ce que fait la concurrence. Microsoft et Sony sont en train de se lancer dans la VR. Bah, Nintendo revient sur l'aspect justement jouer, en fait, du jeu vidéo, à la base du jeu vidéo. C'est du jeu, la VR, pour moi, c'est plus de la technologie, et moi, c'est le genre de truc qui me rend malade. Mais alors, du coup, Kawaii, est-ce que tu vas l'acheter? Ah, mais c'est une bonne question, mon cher Capoué. Alors, écoute, le robot, ça, on va pas dire qu'on l'a fait deux fois. Le robot, ça coûte 70 euros, et le piano, la canne à pêche et tout ça, ça coûte 60 balles. Moi, je trouve ça quand très même, cher pour du carton, voilà. Pour du carton, ça va pas plus cher. Après, ils vendent peut-être la carte, enfin, ils vendent forcément la cartouche avec. Oui, t'as la carte. Disons que ça fait un petit peu comme... Comme, je vais parler des premières amours, mais les Lego Dimensions, t'achètes le pack peut-être 80 euros, mais t'as le jeu, le pad, des jouets avec. Voilà. J'ai envie de dire, bon, c'est peut-être 60 le jeu, 10 euros le carton, quoi. Donc, ouais, si on voilà, fait la part ça. Des choses, c'est peut-être. Ça reste raisonnable. À mon avis, c'est plus ou moins ça, ouais. Alors, cela dit, moi, je trouve le concept très intelligent, l'idée très intéressante, mais cela dit, je ne l'achèterai pas, parce que ça, je ne suis pas attiré par ce qui est proposé. J'admire cela dit la nouvelle façon de jouer qui est là un peu la politique de Nintendo, mais moi je suis pas très friand de ce genre de truc. Par contre, s'il pousse le concept plus loin de l'idée d'utiliser la Switch de manière détournée pour faire de nouvelles utilisations, là j'avoue que moi ça va vachement m'intéresser. J'attends de voir la suite en fait, ce qui pourrait pondre après Nintendo Labo. Si je continue dans ce concept, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. J'avais entendu, je ne sais plus par qui, je vais être très honnête, hein, j'ai absolument plus la source, qu'il penserait à faire une Nintendo Switch Pro, littéralement. Oui, ouais, et peut-être 8 Go de RAM, c'est ça ? Ouais, et peut-être que la VR serait possible avec la Switch Pro. Avec la mablette, ouais. La mablette. J'ai entendu parler de ça aussi, maintenant. Et que du coup, le concept du Nintendo Labo avec les cartons à plier, il y aurait le logement pour la mablette assez large. Pour la VR, quoi. Pour très clairement avoir la VR sur Switch. Mais est-ce que Nintendo prendrait pas un risque de lancer quasiment un an après la Switch Pro ? Franchement, non. Parce que Sony, la PS4, elle a été lancée en quoi ? En 2009, hein, je crois. La PS4 ? Ouais. Non, elle n'est pas si vieille que ça. Je veux que je te dise, pas si elle que ça a été lancée il y a 4 ans. Mais tu vois, c'est au bout de 3 ans qu'ils ont fait une PS4 Pro. Ouais. Est-ce que Nintendo prend pas un risque ? Alors, sachant que la Switch, ils en ont vendu des cartons. Hein, c'est justement ça. C'est peut-être parce que justement, il y a peut-être... Il y a encore un marché, encore pour la Switch, évidemment. Mais, mais au moins, je veux dire... monter le niveau, quoi. Ouais. Le niveau. Mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas passer à la vitesse supérieure ? Parce que, à mon avis, ils ne s'attendaient pas à un tel carton, justement. Le petit qu'a fait la Wii U, malgré le fait que je porte un amour inconsidérable à cette console, littéralement, je dois être un des rares à porter un amour à cette console, mais je l'ai quand même revendu pour prendre une Switch. Je dois l'admettre. Cela dit, là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont reporté tous les hits de la Wii U sur la Switch. Oui, tous les gens qui sont passés à côté des hits de la Wii U parce que, on les teste sur Switch et finalement on se dit, ah putain, mais finalement c'était pas si mal que ça. Ouais, bien sûr. Et surtout, ça leur fait des portages pas trop chers. Mmh. Ça leur permet de sortir des jeux rapidement, quoi. Je vois Totalement. Le Mario Kart, il cartonne. Le Splatoon 2, je pense pas qu'ils ont utilisé un nouveau logiciel graphique par rapport à Splatoon 1. Ah non, 1. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est vraiment, ça ressemble, c'est quasiment du copier-coller du 1, c'est juste qu'il y a des nouveaux niveaux, de nouvelles armes, etc. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est des portages à pas cher. Le Hyrule Warriors, là, qui vont sortir, il est déjà sorti sur Wii U, il est déjà sorti sur 3DS. C'est aussi un portage pas cher. Mais cela dit, si tu n'y as pas joué avant, Bayonetta aussi. Bayonetta, ça fait une belle découverte, absolument. Ouais, ils ont même sorti le pack avec tous les Bayonetta inclus dedans. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Donc moi, je pense que sur Switch, ils ont une bonne politique de réédition des jeux qui ont marché sur Wii U et auxquels tu es peut-être passé, et à côté desquels tu es passé. Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Voilà. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, on verra bien ce que l'avenir nous dira, comment... C'est ça. Du coup, est-ce que toi, quand même, tu... Même si tu ne l'achètes pas, parce que bon, forcément, cher, tout ça, tout ça... Si t'avais les moyens, tu le ferais ou pas ? Si j'avais les moyens de quoi ? D'acheter la Switch Pro ou la... Nintendo Labo. Ah non, Nintendo Labo, que j'ai les moyens ou pas, c'est vraiment pas... Ça m'intéresse pas, vraiment. Après, c'est peut-être plus ludique, c'est pour les gamins. Si t'as des gamins à la maison, etc., c'est peut-être plus sympa. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai pas des gamins, j'ai des chats, donc c'est encore pire, tu vois. Si je laisse En plus, il y a des chats. Ah oui, c'est vrai. Les cartons, c'est fini. Il y a plus Nintendo Labo. Il y a des milliards de vidéos YouTube avec des chats et des cartons. C'est une très mauvaise idée. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, oui, c'est vachement intéressant pour faire jouer les jeunes enfants. Totalement. Voilà. Mais vraiment, je suis très admiratif du concept et de l'idée qu'ils ont eu de faire ce genre de truc. Je trouve ça hyper ingénieux et hyper intelligent. Voilà. On n'a plus qu'à voir ce que nous dira l'avenir. Du coup, merci Kawaii. Mais je t'en prie, mon cher Capoué. Du coup, la prochaine fois, tu seras peut-être en direct avec nous. Enfin, en direct. Oui, j'espère bien. Tu seras peut-être avec nous tous ensemble ce coup-ci, pas d'un décalage du équiproquo. Ici Lille. Ici Lille, la connexion est en train de se rompre. Je ne vous entends plus beaucoup. C'est ça. Quel dommage. Du coup, allô, vu que. Voilà, c'est un peu ça. Comme notre première partie va s'arrêter là, on va faire une petite pause musicale quand même, histoire de faire la transition entre les deux morceaux. On va se retrouver avec la youtubeuse Shivana, avec le streamer Twitch Dedai, et également aussi, encore une fois, le youtubeur et le streamer de YouTube, Cosmos, Ultimate Cosmos. On aura encore beaucoup de choses à vous raconter, on a même un petit jeu assez sympa, inspiré des quelques podcasts qu'on entend un petit peu partout sur la toile. Je préfère rien vous dire encore pour l'instant, mais je pense qu'il y a encore moyen de bien se marrer. On se retrouve après Idiot Boyfriend de l'animateur américain du Tonight Show, Jimmy Fallon, Idiot Boyfriend, et puis on remercie encore une fois Kawaii, on se dit à tout de suite dans 3 minutes et des brouettes. Est-ce que tu veux un petit applause pour terminer ? Oh, vas-y, fais-moi un petit applause. Allez, vas-y. Un petit applause. C'est beau. Merci Kawaii. De rien. Cell phone, baby. The living room all to ourselves, you see. We put on some great DVDs I picked up. How about like something like The Matrix? Pardon, on a écouté du Jimmy Fallon juste avant et on est dans la deuxième partie de Quand on est geek. Nous sommes désormais le mardi 4 avril. Oui, il est 24 heures de décalage, il est toujours 9h30. Et toute la petite bande m'a rejoint. Si, si, pour de vrai, c'est pas des conneries. Je l'ai dit au début, c'est des gens qui me tiennent plus ou moins à cœur, ça dépend des gens. Je vais quand même tous vous les présenter par ordre de préférence. Ça tombe bien, ils sont tous classés déjà sur mon Teamspeak. Au tout début, nous avons ce que j'appellerais le youtubeur de l'extrême, mais pas trop non plus, parce qu'il faut pas déconner. Monsieur Ultimate Cosmos. Bonjour. Non, moi j'emmerde la démonétisation. voilà, merci. Ça commence bien. Comme ça au moins on est peinard. Bonjour YouTube. Comment ça va? Ça va et toi? Oh, moi tu sais, ça fait déjà une heure que je suis sur les rails, tout va bien. Ensuite. Moi aussi, il a encore pas les mêmes rails. Non, c'est pas bien du tout. On continue avec une autre personne que je connais depuis un petit moment déjà, mine 2. On a eu une autre vie ensemble, comme on dit. On a eu une autre vie ensemble. Littéralement, je vous présente celui qui est désormais streamer sur Twitch et YouTube, Dedai. Voilà. Alors par contre, moi je suis un peu déçu que je révèle dans notre vie en direct, mais bon. Voilà. Non, bah écoute, ne t'en fais pas, on fait ménage à trois aujourd'hui. Hein, en tout par cas, contre, moi ça fait depuis hier quand même que j'attends qu'on me donne la parole, hein, tu vois, il était long cet enregistrement. Mais écoute, Kawaii a le monologue simple. Ah ouais, très compliqué. C'était long, pas ça, bon. Voilà. Bonjour tout le monde. Bah, on y peut pas grand chose. Ensuite, c'est une fille qui a une plus grosse paire de coronets que tous les membres de ce Discord réunis, de ce TS réunis, Ténévan. Bonsoir. J'adore faire cette intro parce que c'est vrai, quand on parle avec elle deux secondes, on se rend compte qu'elle a la plus grosse paire de coronets que n'importe qui au monde. Ouais, alors, elle les a plus haut. Elle les a. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Comment ça va? Ah, d'accord. Donc on sent très bien la belle motivation, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ensuite, mesdames et messieurs, je voudrais dire que, alors quand je dis qu'on fait ménage à trois avec des dailles, elle c'est la troisième membre du ménage à trois de notre ancienne vie, littéralement. Non mais vous en faites pas parce que vous faites partie de la deuxième famille. Allez, viens, on va faire ménage à deux. C'est également aussi une star du YouTube game, on va dire ça comme ça. Ah bah ça, évidemment, hein, on va jamais le cacher. Mais également ma vraie meilleure amie, celle qui connaît tout de moi et que je connais presque tout d'elle. J'ai cette lourde tâche. Comment ça j'ai rien dit. Et bien bonjour tout le monde, vous avez pas besoin de régler le son de votre appareil parce qu'en fait j'ai vraiment ma voix comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors, en fait, elle sort d'une voix cassée et tout ce qui va avec. Elle est un petit peu malade il y a quelques jours, donc il y a encore quelques restes. Et en plus, on va pas se mentir, on fait ça à 9h30 du matin. Cette personne qui fait le ménage à 3, la star du YouTube Game, c'est Jivan. Bonjour. Alors, oh mon dieu, quelle introduction! Incroyable! Franchement, je suis impressionné. Je pense qu'on pouvait pas. On pouvait pas tellement faire mieux ni quoi que ce soit. On va faire un petit tour de table pour savoir qui fait quoi dans le YouTube Game, histoire de vous présenter un peu à tout le monde parce que les gens ne vous connaissent pas. Qui veut commencer? Ok, t'as pris la parole, c'est alors... quoi? Dédaï! Oh merde! c'est comme ça qu'on est désigné. Ah bah écoute, il fallait bien un premier. Ah bah bravo, c'est un peu de la délation. Et c'est là que tu te rends compte que le concept a évolué en salle de classe. Non mais alors moi je veux bien faire des petites tables, mais j'ai pas de table actuellement là, je fais comment? Oh mon dieu. J'aurais dû prévoir la Badoum 10 dans les bruitages, je suis désolé. Franchement, pour la prochaine émission, je me mets ça en stock. Qu'est-ce que tu fais sur le YouTube Game et sur le Twitch, Dédé? Oh, moi sur YouTube, pas grand-chose. Hein. En vrai, je fais juste des streams. Et voilà, c'est plutôt du let's play, c'est plutôt de la bonne humeur. Et puis voilà, ça fait, je sais pas, peut-être... de l'époque, Twitch s'appelait pas encore Twitch. Ça s'appelait... Ouais. Je sais même plus comment ça s'appelait. Ah si, Justin TV. Oui. Et voilà. Et tellement ça remonte. À cette époque-là, je stream. Et j'ai toujours à peu près 2 viewers. Voilà. Oui, mais t'es régulier au moins. Je suis désolé, au moins c'est ça. Au moins t'es régulier et ça c'est pas le cas de tout le monde. Moi on m'a dit il faut être régulier. Au moins tu payes pas des bots. T'es honnête. C'est ça. Ah bah, c'est ça. Il vaut mieux rester petit et avoir des gens vrais plutôt qu'avoir des bots. Si c'est vrai. Bref. Du coup, si tu veux des viewers, faut faire des dramas et des giveaways. Alors, niveau drama, je suis pas très... En vrai, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Pas très bon. Et giveaway, moi en fait je partais du principe que c'était moi qui allais gagner de l'argent si tu veux. Donc bon. Bah voilà. Ouais, c'est-à-dire que tu donnes ton argent sur le stream du coup? Ah bah non. Il se donne de l'argent à lui-même. T'imagines, t'imagines qu'il reçoit ses alertes, Dédaï a donné 5€ à Dédaï. Quoi? Ah merci Dédaï. Mais Dédaï, t'as c'est juste pour faire tourner les alertes. Les alertes elles sont tellement vieilles qu'il y a encore du synthétiseur à vapeur. Non mais les dons ils sont tellement mieux, ils sont encore en francs, tu sais. Ah oui, alors ça par contre, oui j'y tiens. J'y tiens, tous mes dons sont en francs. Merde. C'est déjà ça, bon. On donnera tous les liens à la fin de l'émission, on mettra même ça dans les descriptions et tout ça. Du coup ensuite, oui j'ai envie de dire la personne qui a peut-être la plus grosse communauté ici, c'est-à-dire Cosmos, littéralement. Quand tu parles de communauté, tu parles de... De bro-munauté. Enfin, de... Ah, ok. Là, c'est... Oui, sa communauté, c'est la bro-munauté. Cosmos a la petite réputation d'être toujours un poil un peu extrême quand même. C'est-à-dire que si sur Twitch, on vous banne parce que vous avez un décolleté un peu trop plongeant, on boit un coup mais on sait pas ce que c'est dedans, Cosmos, sur YouTube, lui, fait tout le reste. Il peut se foutre à poil, montrer son cul, finir complètement torché, vous bousiller un écouteur tellement il hurle. Et pourtant ça marche. Endormir sur un stream aussi parce qu'il est un peu trop pété. Aussi. Vous me l'avez tellement vendu. Oh, le mec qui fait plus de l'ASMR. alors non, alors surtout il ne fait pas de l'ASMR. C'est plutôt le contraire. C'est du contre-ASMR, c'est-à-dire qu'il est capable de griller un écouteur. Le moi, jour je fais de la SM, nique ta mère. Voilà, c'est ça. En gros, grosso modo, on peut raconter ça, mais le jour de son anniversaire, il s'est dit, je vais faire un drunk stream. On va picoler un peu en live. Le problème, c'est qu'il joue sur un jeu où tu fails facilement. Du coup, quand t'es un petit peu pété et que tu fails, généralement, la réaction de tout le monde, c'est de rager. L'alcool augmente à peu près tout. Alors, en fait, du coup, j'ai pas d'écouteur qui a grillé. C'est-à-dire que je m'attendais pas à voir du monde sur... chez moi, avant le stream, et surtout pas une dizaine de potes qui viennent picoler d'un coup comme ça. Ça arrive souvent, ça. C'est... Et du coup, en fait, on avait peut-être un petit peu trop teasé, Et j'aurais peut-être pas dû lancer ce stream. Oh bah tu veux que je te dise, c'était drôle à voir. Ouais, je me doute. On connaît une autre facette de toi et ça c'est quand même vachement cool. Tu sais, généralement les streams le plus marrant c'est quand t'es complètement pété comme un coin, hein, je veux dire. Évidemment, évidemment, c'est ce que les viewers veulent. Ça, tout à fait. Hein, voilà. Bah, ils veulent voir, ça, ils veulent voir du highlight, ils veulent voir le prochain truc qui va buzzer dans pas longtemps. Ah. On sait jamais, on est toujours à l'abri et là il y avait quand même largement moyen. C'est quoi ensuite... le truc qui va buzzer? Moi je sais pas. Ensuite, la troisième. Alors, j'ai pas été galant, j'ai pas laissé les filles en premier. C'est pas bien. Ouais, pas terrible. Non, mais ça c'est féministe. Non, non, c'est vrai, il y a trois mecs et une fille. Non, pardon, excuse-moi, Devan, je t'avais oublié. Il y a trois mecs. Ouais. Eh bah, bravo. Oh, là, là. Alors, moi, oui, je pense que sons... sur ces paroles, tu peux quitter. Hein. Moi, je dis ça. moi, ça serait moi. C'est bon, c'est bon. Tu peux arrêter là, je vais aller péter la gueule. Voilà. Bah vas-y, viens, ça me plaît, tu viens de me péter la gueule en vrai. Ok. J'aime ça. Bah si, parce que, au moins ça voudrait dire que tu viendrais et qu'on se verrait un peu, parce que ça fait longtemps, tout ça, tout ça. Est-ce que ça veut dire surtout que Capou il aime prendre des coups? Ben c'est... Ouais, non, j'aime bien aller boire tout court. J'aime bien aller boire tout court. Du coup, oui, cette fille a quand même percé dans le YouTube game, on va dire en quoi? Un an? Grand Max. Grâce à une série que, je ne regarde plus et que je n'aime pas. Oh là là. Très franchement. Ah oh, ça va très bien. Non mais vraiment, que je ne regarde plus depuis la saison 3 parce que je me suis endormi et c'était chiant. Ah c'est le moment réel. C'est bien, plus, tu vois bien la série dont je parle. Merci. Hein, attention, Capone nous dit son sang. Non. C'est ça, c'est le moment révélation en fait. Hein. Elle perce grâce à The Walking Dead. Écoute, personne n'est parfait. J'ai chacun envie de dire, chacun ses soucis dans la vie. On accepte. Bon, par contre, c'est vrai qu'elle fait un travail de qualité, ça c'est vrai. Mais elle ne me donne mais comment pas tu fais pour regarder mes vidéos de... si tu regardes pas la série? Ouais, c'est ça. Parce que tu veux que je dise, je me fiche tellement de la série. Je me fiche tellement de la série que je préfère regarder que les vidéos, tu vois. Et ça, je c'est vrai. Pour l'argent, mais surtout pour le plaisir. C'est un petit peu ça. Mais non, en vrai, ouais, quand même. Il a fait aussi plein d'autres choses, plein d'autres reviews. Je feed sur Fortnite, voilà. Non, ça c'est bon aussi. Voilà. Ah, j'avais gagné. Moi, j'en ai marre. T'inquiète pas. Mais, et on va pas se mentir, on a aussi fait, lors de la saison dernière de Game of Thrones, des gros lives Game of Thrones. Carrément. Contrairement à The Walking Dead, ça je regarde. Et au moins, ah, parce qu'il y a un peu de cul dans Game of Thrones, c'est pour ça. Bah ouais, tu veux que je te dise? Ouais, je me bah oui, pour ça. Moi c'est pareil, hein. Faut être honnête, hein. Moi, tout le monde regarde que pour ça. Je cherche les moments où il y a du cul, et le tout le reste, je sais même pas ce qui se passe dans la série. Putain, le Khal Drogo, il me... Tu savais... tu savais qu'il y avait des dragons? Mais quoi? Des dragons? Il a blonde au Dijon! Quoi? Oh, ouais, ah oui, oui, elle en a un tatoué sur la fesse gauche, oui, je m'en souviens. C'est un peu comme ça que la plupart des gens voient la série, généralement. Bien sûr. Ceux qui s'intéressent à l'histoire, on a vu oh, les dragons et tout. Voilà, c'est tout. Il y a deux catégories, ceux les boobs et les dragons. C'est comme et ça. Oui. Mais si on a les deux, on fait comment en fait? Ah bah alors là. Oh bah après tu là, choisis c'est ton corps. Hein. Hein, parce que moi je m'intéresse autant aux deux quoi en fait. Du coup, bah oui, puisque tu l'ouvres. Ah merde. Comment ça va, Nevan? Hein, de quoi moi? Ça va? Tu fais quoi? En ce moment, bah, pas grand chose. Je reviens sur les internets petit à petit après une pause. Ouais, on va dire ça comme ça. Je crois ouais, que c'est voilà. Un peu tous notre cas en fait, c'est marrant. De quoi? C'est un peu tous notre cas en fait. C'est ça, on revient en ce moment. Bah, en même temps, et c'est la trêve hivernale. Hein, la trêve hivernale. C'est le mercato. C'est que t'as pitié pour les gens qui restent à la maison, du coup, on fait rien, c'est ça? Mais non, mais même, je veux dire, c'est vrai qu'en ce moment. Sur internet, j'ai pas trop envie de faire grand chose parce qu'avant je commentais les speedruns, ce que je fais plus parce que je trouve que la communauté a un peu trop changé. Mais sinon, mais je pense que je vais revenir bah, déjà pour les programmes de Capoe. Je vais le faire. Ah bah, j'espère bien, et même de tous ceux qui sont là quand même. Hein, voilà. Ah oui, hein, moi je veux Nevan sur mes streams. Hein. Mais oui, marre, je vais venir squatter tous vos streams et vous casser les couilles. Je vais faire du speedrun de Bayonetta, comme ça tu viendras commenter. Ah! Je viendrai commenter. Bah oui. Et dire que ce jeu c'est de la merde. Ah merde, je croyais que c'était. Oui, mais tu veux que je dise, c'est ça le rôle d'un commentateur de speedrun. Il faut d'abord dire que ce jeu c'est de la merde, comme ça tu peux le démonter après. D'accord. C'est comme ça que ça se passe en marathon. Ah bon, bon bah alors, tout va bien. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va après ces 20 minutes d'intro, je sais même pas combien de temps ça a duré, mais ça fait beaucoup. Et ben voilà, fin du podcast. On a fait... Allez, salut tout le monde. Merci, au revoir, on a perdu les 3 quarts de l'émission déjà. Au revoir. C'est bon, je peux être payé et aller dormir. Ah, t'es payé, toi. Putain. Fallait pas le dire, putain. Mais tais-toi, fallait pas le dire. Ah, j'ai révélé les bails. Ah, ah ben quoi, oui. Qu'est la pute, putain. Oh, non, non, non, alors du coup, ouais, je vous ai fait tous venir parce que, ouais, on l'a dit depuis un peu plus d'un an, quand on est geek, généralement, on ne parle pas aux geeks, mais pour de vrai, ou alors on se parle entre geeks, et ça c'est vrai, quand on veut parler d'actualité avec les gens, on dit non, non, mais, le parle pas à lui, c'est un geek, on s'en fout, il a que ses jeux dans la tête, mais... C'est les bruits de couloir. Est-ce, ouais. Est-ce que ça se voit sur ton visage que t'es un geek? Je sais alors, pas ce que t'as pris, Nevan, mais j'en veux. Alors, bah, du c'est coup, peut-être pour ça qu'on vous parle pas finalement. Oh mon dieu. Du coup, comme on a ouais, grosso modo des avis sur tout et n'importe quoi, moi j'aimerais quand même parler et ouvrir cette émission par des nouvelles un peu tristes. Malheureusement, c'est l'actualité qui veut ça. C'est la mort du président Grolandais, Christophe Salengro. Oui, du coup, oui, si vous avez suivi Groland, ça a 25 ans cette année quand même. T'as 25 ans cette année, Christophe Salengro est le président élu à vie démocratiquement tous les ans. C'est la seule personne qui vote au Groland, je suis citoyen grolandais et fier de l'être. Cette nouvelle est arrivée il y a quelques jours, je crois que c'est tombé même le 1er avril. Donc tous ceux qui ont vu l'émission au moins une fois, qui ont su rester, qui ont tous leur âme de Grolandais, pleurent. Pleure notre président, très clairement. Non, moi ça va. Non, alors, je vais toi. Quel connard. Les joues coulent sur mes larmes. Du coup, les quand larmes même... coulent sur mon s. Oh, oh, mais pourquoi? Je pense que bizarrement, je vais censurer ça. Je vais mettre un petit peu. La délicatesse. Ah, mon dieu. Donc oui, pour vous résumer un peu ce que c'est l'état d'esprit grolandais, en gros, c'est simple, il faut se foutre de tout et de n'importe quoi. Et notamment de tous les pays européens, parce qu'il n'y a pas d'exception, qui n'est pas que nous qui en prenions plein la gueule. Toute l'Europe prend cher dans cette petite chanson qui était dédiée à la base pour représenter le Groland à l'Eurovision. Avec une représentativité plus entière du spectre euro-grolandais. L'Europe, j'en ai plein les godasses. L'Europe, ça me file la chiasse. Aux Italiens, c'est gros blaire. Je chie copieux dans leur Saint-Suaire. Aux Espagnols, c'est gros tas. Je chie copieux dans leur paella. Aux Anglais, c'est tête de con. Je chie dans leur chapeau melon. Et aux Allemands, c'est gros blaireau. Je chie dans leur culotte de peau. L'Europe, j'en ai plein les godasses. L'Europe, ça me file la chasse. Au Portugais, c'est trou du cul. Je chie tout mou sur leur morue. Au grec, c'est gros stafion. Je chie au fond de leur acropole. Polonais, c'est pauvre type. Je chie valu sur leur tulipe. Au suédois, c'est pas de rat. Je chie dans leur Eh oui, c'est ça l'humour grolandais, c'est du caca, en très grande quantité, et surtout des vieux, c'est peut-être une des rares émissions qui donne vraiment, qui laisse vraiment les vieux, on va dire, avoir une deuxième jeunesse, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous regardiez Groland, ah non, au contraire, les vieux aiment beaucoup Groland, parce qu'on va dire ça comme ça... Ça dépend des vieux. Ah ben ceux qui ont gardé. Mais j'ai beau pas être si que ça, je regardais aussi Groland. Non mais voilà. Non mais ça c'est. En fait, c'est les jeunes qui croient que les vieux aimaient bien. Mais ah, bon, non, finalement. Alors, mais non, mais même mon alors père, pour le coup, voilà. Dire. Groland, ça a tout juste 25 ans, donc c'est sûr, c'est surtout nos parents qui ont surtout regardé. Nos grands-parents forcément étaient déjà un peu plus. T'étais déjà un peu plus aujourd'hui madame. Tu vois ce que je veux dire? C'est très. Moi, un petit peu coincé, on va dire ça comme ça. Je suis regardé. Mais c'est. Tu veux que je te dise? C'est quasiment les mêmes auteurs. Ouais, je sais bien. C'est les mêmes auteurs qui sont passés des nuls quand ça s'est arrêté, qui ont fait Groland un petit peu plus tard. Donc, ouais. C'est tous ceux qui ont gardé une petite âme de rebelle. Et le petit tweet du Gorafi, c'est peut-être celui qui a le plus résumé la mort de Christophe Sarlangro. Le petit tweet du Gorafi qui est arrivé le 1er avril, qui était le seul président que les Français aimaient vraiment est mort. Ben, c'est vrai. C'était le seul qu'on aimait, tout bêtement. C'était le seul qu'on aimait, et franchement, ça va faire un grand vide, mais ça sert à rien de se lamenter trop non plus. On boit juste un coup à sa santé, on fume un pétard et on n'en parle plus. Et on continue à parler de caca. De caca, de bière, de cuit, de tout ce qui va avec. Parce qu'il n'y a que comme ça que on peut avancer en se foutant de tout et de n'importe quoi. Voilà. Voilà de tout, ce que j'avais à dire. Nous ton caca du matin alors, Capoué. Je suis pas encore. Mais non, pas encore, désolé. Je suis pas comme ça. Voilà. Préviens-nous. Hein. ça va aller. Prends une pause musicale bientôt. Non, en vrai, ouais. Est-ce que vous avez été spectateur de Groland? Est-ce que vous l'êtes toujours d'ailleurs? Et depuis quand? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir en tout cas de Christophe Sarlangro, ou en tout cas de Groland tout court? Moi, je me souviens d'un sketch. C'était sur Sarkozy. Avec Nano Sarko, du coup. Ah, tout de suite, ça se moque des nains. Ah bah et bravo. C'était Sarkozy qui se tapait tout et n'importe quoi, en fait. D'accord. Et j'étais morte de rire. Donc. Moi, je me souviens d'un sketch. Un sketch, c'est genre Michel qui prend la pété, je crois, un truc dans le genre. Ah oui, elle prend la pété. C'est un mec, en fait, ça fait genre 30 ans, il drague une nana et tout. Et en fait, ils arrivent à 70 balais, en fait, ils se rendent compte que c'est un transsexuel. C'est la pété à Monique ou un truc comme la ça. La pété à Monique, ouais, c'est ça. La pété à Monique ou un truc comme la ça. La pété à Monique, mon gars. Ouais, totalement. Et en fait, le mec, il s'appelle Michel, je crois. À la fin, il dit, eh ben en fait, c'est Michel qui va prendre la pété. Alors oui, c'est pareil, il y a une journaliste de Arte qui avant, je crois, faisait des reportages pour... le service public, pour les journaux télévisés, qui parlait de la nouvelle façon des commentateurs de JT de parler. Et il y a quand même Vincent Marronnier de Groland qui a toujours le moyen de parler comme ça. Et ça a été fait depuis, gros, de depuis 25 suite, ans. Un reportage présenté par Stéphane Moreau. Ouais, c'est un peu ça. Et dans tous les reportages, et dans tous les reportages, dans toutes les séquences, c'est toujours... aujourd'hui, Stéphane va monter dans le bus. Voilà. Et incroyable. En fait, on va dire que tous les journalistes sont un tout petit peu calés là-dessus. Si vous regardez les JT aujourd'hui, il y a un tout petit peu de Vincent Marronnier, le commentateur de reportage de Groland, qui ressort un petit peu. Et c'est parfois très c'est beau à regarder. C'est une caricature de... Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, le YouTuber Superflame qui le fait super bien, la voix du journaliste, comme ça, tout le temps. Totalement. Totalement. Il l'imite à la perfection et il s'amuse à prêter sa voix dans plein d'autres émissions de YouTubeurs pour faire cette voix-là, justement. Et c'est assez cocasse, on va dire ça comme ça. Oui. Vous connaissez des choses, moi je sais rien de tout ça. Ah, qui ces gens, c'est qui ces gens qui sont sur YouTube? Moi je suis encore sur Dailymotion. Qu'est-ce qui se passe? Le monde aligné est un petit peu vieux, c'est le plus vieux, je pense, de nous tous. Hein. Bah, Bolloré, il est plus vieux bang, que n'importe quoi. Qui. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que. C'est même, peut-être même lui qui l'a provoqué, il a toussé un peu fort. Oh merde, désolé. Mais pardon. Oh merde, excusez-moi. Ça veut dire quand même. Heureusement que j'étais là, sinon vous seriez pas là non plus. Hein? Voilà, ouais, c'est vrai. On te doit la vie, évidemment, c'est ça. Papa, c'est évidemment. Toi. Maman. Mais il y en a certains pour qui je regrette quand même d'avoir créé tout ça. C'est étrangement. Du coup, ouais, Cosmos, tu disais aussi tout à l'heure que toi, t'étais plus les nuls que Groland, ou c'est juste inversé? Ah ouais, non, mais totalement. Ils me font hurler de rire, même maintenant. Et je me rends compte maintenant qu'il y a des trucs qui passent, et à l'époque... Qui passeraient plus. Il passerait plus non, genre passe le sketch avec l'étoile juive, je sais plus ce qu'ils disent, tu vois, c'est un truc du genre... Genre tu vois un mec avec une étoile juive, il dit ouais c'est pour récompenser et tout. Mais ça tu mets ça à la télé, les mecs ils ont 1000 procès et 500 associations de films nazis sur le dos, tu vois. Ah, et c'est pareil que tu vois, j'ai un livre sur certains sketchs et blagues de Coluche. Il y en a certaines, elles ne passeraient pas aujourd'hui, hein. Ah non, aujourd'hui on parlerait peut-être beaucoup plus. Après on va se l'avouer, les PD il y en a de plus en plus, ils se reproduisent. Oui voilà, c'était ça, c'est une phrase de Coluche, je l'ai entendu même il y a pas si longtemps de ça. C'est quand même bizarre, les PD ils peuvent pas se reproduire, mais franchement ils se reproduisent de plus en plus. C'est exactement ce que tu dis. Aujourd'hui, je sortais souvent à Kawaii celle-là à l'époque. Aujourd'hui ça ne se dirait pas du tout, on se prendrait je pense je ne sais combien d'associations sur la tête. Un high kick social. Ouais voilà c'est ça. Ah mais les gens ils font chier pour tout et n'importe quoi maintenant. Je veux dire, tu vas péter dans une piscine et tu te retrouves avec 800 associations de féminines nazies et de vegans sur le dos parce que tu pollues le feu. Quoi. Bah ouais, c'est normal, merde, péter dans la piscine, c'est dégueulasse. T'as trop bien vu, mais ouais. Mais tu peux rien dire, on va pas se aujourd'hui sans être jugé ou sans froisser quelqu'un. Du coup, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de froisser tout le monde en même temps. Comme ça, on est pénard. Ouais, comme ça, on est pénard. Comme ça, y'a pas de chaîne. Voilà, et bien justement, c'est ce que s'occupe de faire le Groland, c'est de taper sur tout et n'importe quoi, et absolument exactement. Tout le monde. Et ça, franchement, c'est peut-être encore une des rares émissions où peu importe ce qu'ils peuvent dire, tout le monde sait que c'est pour de faux, et là, y'a pas de quiproquo possible. Bah ouais, mais. Ouais, bah ouais. C'est fou de voir. Tu vois, par exemple, moi, des fois, ça m'arrive, je déconne sur mon petit frère qui est handicapé, il est autiste, tu vois. Mais y'en a, ça les... Oh, ils sont choqués, hein. J'ai dit, mais c'est mon frère avant, calme-toi. Mais c'est pareil, j'ai un petit frère qui a des problèmes au pied, d'où j'appelle le petit Tanguik, tu vois. Ça le fait marrer. Bah oui, mais il faut rire avec eux. Si on commence à être tout fort gentil, etc. Et c'est coup, exactement ça. C'est que vois. Si on ne rigole pas avec eux, bah, c'est du coup tu les mets à côté. Moi, je pense du principe que faire plus attention à une personne handicapée, c'est justement faire preuve d'un certain écartement par rapport à lui. C'est justement tu lui montres qu'il est différent. Sa gueule, comme si tu te foutrais de la gueule d'un noir, d'un gros ou d'une gonzesse. Voilà, tu vois. C'est l'intégrer. Après, c'est ma vision des choses. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Non, c'est justement d'accord. Plus tu vas faire genre attention, c'est comme ça, bien prendre des pincettes et tout, et plus il va se sentir différent des autres justement. Ouais exactement. Alors est-ce que vous me considérez comme différent? Je trouve que vous êtes beaucoup à mon écoute en ce moment. Ça me fait bizarre. Eh ben papy. Eh oui, bah voilà, par exemple, on me dit que je suis un papy, je suis un vieux, et c'est pas ma faute. Respectez-moi bordel, considérez-moi. Ouais, mais j'étais la première à t'appeler. Alors Cosmo, je vais te faire un tout petit plaisir. J'ai retrouvé le sketch de la pété à Monique. On va s'écouter le petit sketch de la pété à Monique, ça dure 1 minute 40. Ah, c'est génial. On peut regarder ça. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pété à la Monique. Ça fait 50 ans que ça dure et là le René, il en a marre. 50 ans qu'elle le fait marner. Non, je ne sais pas. C'est peut-être trop tôt. Sois patient. Ben là, ça suffit. Elle va prendre sa pétée et ça va être maintenant. En 40, non, il y a les Allemands. En 68, il y avait 68. En 80, je ne sais pas, avec le sida. Ras-le-bol. Là, on est le 25 octobre 2003. Il est 7h et le René va mettre une pétée à la Monique. Merde! C'est la pété! Le René, il va lui mettre copieux à la Monique. René! Je viens te mettre une pété. Mais sois patient! Non! J'en ai marre! Ça fait 50 ans que ça dure! La Monique, elle a une bite! Le René revoit toute sa vie défiler devant lui. 50 ans à attendre, 50 ans pour rien, 50 ans de gâché. C'est décidé, c'est aujourd'hui que la Monique va mettre une pétée au René. Voilà. Et le René va prendre copieux, hein. C'est toujours absolument fantastique. Avec une représentation. C'est toujours assez fantastique. Voilà, je voulais retrouver la vraie musique. Du coup, ouais, un bel hommage de fresque à Groland et à Grégoire Salengro qui a beaucoup manqué. Je pense que les images tourneront en boucle encore pendant longtemps, ne serait-ce que dans les émissions et dans les archives. Et pas plus tard que le... Alors, je crois que c'est le 14 avril. Si jamais vous avez Canal+, il y a un reportage qui va passer sur les 25 ans de Groland où il vous raconte 25 anecdotes sur toute la création de Groland. Il y a des extraits qui passent en ce moment. Où il raconte même un sketch, pour préparer un sketch, il mettait des faux seins et des plumes dans le cul à un pigeon. Ils ont réussi à filmer quelques images et le pigeon s'est envolé. Donc pendant quelques mois, il y a un pigeon avec des faux seins et des plumes de couleur dans le cul qui a vogué dans tout Paris. C'était extraordinaire, c'est ce que dit en tout cas Jules-Edouard Mousquet. C'est tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, autant tous les intervenants de Groland sont soit réalisateurs, soit cinéastes. Jules-Edouard Mousquet a toujours été DJ. Et en ce moment, il fait une web radio qui s'appelle I Have a Dream. Qui est super cool, si vous ne connaissez pas, allez l'écouter, c'est quand même super bon. Bref, du coup, voilà, merci pour cette petite page grolandaise. Merci, président. Il y avait un autre DJ comme ça qui avait sorti un morceau à I Have a Dream, il s'appelait Martin Luther King. Ouais, c'est un peu. Je crois qu'il faisait du rap. Il faisait du rap. Du coup, ouais. Oui, pardon, passons à d'autres choses, autant pour moi. Des vannes. Evan. Oui. Oui. Je sais que il y a une nouvelle que nous souhaitons partager, autant toi que moi. Ah, ah oui. Vous vous mariez? Mais attention, parce que ça, c'est vraiment le truc Activision nous tease à mort depuis quelques semaines. Début 2018, ils ont commencé déjà avec un petit compte Twitter avec un certain nom, des t-shirts à l'effigie. De ce petit personnage. Et oui, mes amis, ce sera le retour de Spyro, la trilogie en remaster, comme pour Crash Bandicoot, sur PS4 et les autres consoles, peut-être plus tard, comme ils ont fait pour Crash. Nous avons été teasés hier ou avant-hier. C'était avant-hier. Avant-hier. Pas avant-hier. Avant-hier, où Activision a envoyé à IGN. A envoyé un œuf de Pâques, mais cet œuf de Pâques avait des écailles violettes et avec un message: quelque chose va bientôt éclore. Donc voilà, on le sait, c'est noir sur blanc, on le sait pertinemment qu'ils vont nous l'annoncer parce que ils ont créé un compte Twitter au nom de Spyro. Alors, pour le coup, ils n'ont pas créé le compte Twitter, ils ont récupéré le compte Twitter, oui, dénommé Falcon Bob. Qui, on va dire, était le nom code dans toutes les boîtes pour parler de ce remaster, de cette trilogie remasterée, on va dire ça comme ça. Du coup, tout reste à penser que dans les quelques jours qui viennent, on est le 4 avril, je ne sais pas si le podcast sera sorti d'ici là, mais on a de très fortes chances que ça fasse peut-être comme en 98, qu'une démo soit cachée dans le code de Crash Bandicoot Remastered. Ah putain, j'ai cru que t'en c'est déjà le cas. On allait gagner la Coupe du Monde, moi. Mais je me suis dit, ah, ça y est. Eh bah ben non. Oh merde, dans le code de Crash Bandicoot 3, il y avait la démo du premier Spyro et inversement. Alors, tu sais, j'ai entendu certaines rumeurs comme quoi, pour l'annonce de Medieval 1 Remaster avec dedans Remaster, enfin le Medieval 2, on ne sait pas s'il va être remaster ou pas, on verra ça plus tard. Alors mais normalement, ouais, ils ont dit qu'ils allaient faire les deux. Ouais. L'annonce qui est censée se faire bientôt, là, officiellement, pour commencer les précommandes fin avril, on doute, il y a des gens qui doutent sur le fait qu'ils vont annoncer Spyro au même moment. Mais en même temps, ce serait une super nouvelle, tu fais Medieval et Spyro en même temps, ce serait super cool, pardon, mais... Ce serait logique. Et si ça se trouve, c'est un gros poisson d'avril. Eh oui, ah. Car il y a deux jours si je regarde mon calendrier, quel jour on est? Bah non, on est le 4 jours, on était le 2. Il y a 3 jours, c'est il y a 3 jours le 1er avril. Ouais, mais... Ah merde. Ouais, mais c'était dimanche. Non, clairement, on le sait qu'ils vont le faire. Et puis c'est la même. De toute façon, les remasters, c'est ce qui marche le mieux. Mais alors, pour le coup, quand c'est des jeux comme ça, pour le coup, ouais, parce que c'est des jeux qui sont aimés de tout le monde. Mais tu sais à quoi c'est dû le fait qu'il y avait une démo dans chacun des jeux respectifs? Vas-y, dis-moi. Bah en fait simplement parce que les studios de Naughty Dog et Insomniac Games, ils étaient voisins, ils étaient dans le même immeuble et ils étaient en face l'un de l'autre. Et du coup ils ont bossé beaucoup ensemble en fait. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de choses de physique ou quoi dans chacun des jeux, propres à chacun des jeux, mais dans le jeu du voisin. Alors, et c'est deux studios qui ont est-ce que je peux mettre quelque chose de physique dans la femme de mon voisin? Non. Alors, oui, mais ça n'a à peu près, je pense, aucun rapport. C'est une question comme ça, si ça se fait dans le milieu, bah, je me disais peut-être que... Non, bon. Non, désolé, là pour le coup, autant il y a des fois je te suis dans tes délires, mais pas là. Non, bah, on va dire que Spyro c'est bien, mais c'est sérieux, attention. Non mais, tu vois, n'empêche, quand on se voit après on pour la femme Spyro, de ton là, voisin. Parce que tu vois, là, tu vois, j'avais bossé une semaine dans un magasin jeux vidéo. On me demandait souvent de faire déjà des précommandes pour Crash Bandicoot sur Switch. Et on me demandait souvent... Call of Duty. Non, on me demandait souvent, mais justement, est-ce qu'ils vont faire Spyro? Bah pour le coup... Alors je leur disais, écoutez, pour le moment Activision, ils nous envoient 2-3 indices comme quoi oui, mais on n'a pas plus d'informations que ça encore. Alors normalement, quand c'est comme ça, tu leur dis, écoutez, je les connais bien, je leur en parle... Ils vont vous faire ça tout de suite. Alors, non, mais tu sais ce que je vais faire? Ça marche aussi, ça. Non, mais tu sais ce que je vais faire? Parce que, tu vois, mon petit frère, c'est un grand fan de Spyro. Et pour son anniversaire en mai, je vais faire un tweet à Activision. Ils ont annoncé le jeu, hein, parce que sinon... Oui, et bien. Je leur demanderai s'ils peuvent envoyer un truc pour mon petit frère pour son anniversaire. Alors à mon avis, je pense qu'ils ont ça tous les 4 matins. Pardon, je veux pas te casser le truc. Mais je vais quand même essayer, parce que je sais que mon frère, ça le ferait kiffer, quoi. Lance une pétition. Mais Activision, c'est pas ces vilains qui essayent de prendre notre argent à chaque fois qu'ils sortent un Call of Duty? Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est à peu près ça. Et ça... S'ils refusent, tu dis que t'es vegan et féministe. Ça passe tiens, partout. Alors tiens, tu vois, en parlant de ça, on va changer de sujet. Vas-y. C'est bien, tu me fais rebondir dessus, c'est parfait. Donc, rebondir doucement. Change de musique parce que c'est un petit peu moins joyeux, hein, ce que je vais vous raconter. Cette nuit, il y a une fusillade dans les locaux de YouTube en Californie. Ouais. Et ce matin, on a réveille. Un peu plus d'informations, et l'auteur, c'est une femme, c'est une youtubeuse qui s'appelle Nassim Agda, et c'est une militante végane, extrémiste, et elle fait... Elle joue à GTA, c'est sûr. Non mais les jeux vidéo, ça rend ça. Elle joue à GTA et à Call of Duty. Et voilà. Et, elle aurait fait ça... parce qu'en ce moment, elle se plaignait sur YouTube de la censure et de la démonétisation qu'elle avait. Ah bah... On touche au cœur du problème. Le voilà, enfin quelque chose, enfin les vrais problèmes. Non, mais enfin. Je veux dire, YouTube en ce moment est très strict dans sa politique et sur les vidéastes. J'en vois beaucoup qui se plaignent pour un mot ou pour un truc. Mais moi j'ai jamais été monétisé, j'ai pas ce problème. Mais toi c'est pas pareil. Hein. Aller dans les locaux de YouTube et canarder les employés, De ce que j'avais vu. YouTube c'est une plateforme, si ça te convient pas, tu peux aller voir ailleurs. Tu peux aller ça, sur Dailymotion. Ouais, puis ils ont rechangé les règles en plus depuis le 20 février donc. Ils ont rechangé les règles absolument. J'avais vu que. Que pour l'instant il y avait 4 victimes et une grave, c'est ça? Enfin, je sais pas si c'est aggravé depuis, mais j'ai vu les nouvelles peut-être à 1h du matin, un truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait 4 victimes, il y avait une qui était un peu plus attaquée, on va dire ça comme ça. De toute façon, les youtubeurs, c'est pas des gens de confiance, moi je m'en méfie toujours. Elle dit rien depuis tout à l'heure, elle réagit sur aucun sujet. C'est ça qui est peut-être le plus concerné. Cosmos et Chinois, c'est peut-être les seuls qui sont les plus concernés, on va dire, en tout cas. Alors, les enregistrements de moi qui gueulent sur YouTube parce que je peux parler, qui gueulent sur Nintendo, pas sur YouTube. Parce que me fais démonétiser mes meilleurs lives, donc Mario Odyssey, juste pour du contenu interne jeu que je peux pas cacher. Le problème de Nintendo là-dessus, c'est que le problème c'est qu'il faut que tu rentres dans leur système de partenariat et tout, et puis c'est mal branlé, et puis tu gagnes rien. Non, mais je fais quand même les jeux, mais je leur crache à la gueule en même temps, donc ça va. Bah après, c'est toujours. Et après, problème, c'est toi qui fais le intellectuel à partir de. Non, mais. Bah, moi, je peux en fait, je peux comprendre. Sur notre histoire, sur cette. Fusillade. C'est quand même assez. Flagrant. T'es extrême. C'est ça, c'est flagrant de la situation. Extrême, enfin. Mais ça, c'est le manque de viande, ça énerve les gens. Moi, j'ai pas mon steak le soir. Les gens aussi, c'est normal. Ah, bah après, bah voilà. Alors, oui, après, oui, là, je me permets de garantir que je n'ai une fusillade dans les locaux de YouTube, fait 3 blessés, la tireuse est suicide. Donc, visiblement, la seule victime, c'est la tireuse, donc ça va. Oh mon dieu. Du coup, ouais, quand même, celle qui a eu quand même plus conseil, c'est Chirac qui était en train de dire que les conditions avaient totalement changé. Alors, pour ceux qui seraient pas forcément trop au courant, qui sont pas tellement. Enfin, à mon avis, ça m'étonnerait, il y a tellement de youtubeurs qui se plaignent des conditions, personne n'a pu vraiment passer à côté, mais au cas où, est-ce que tu peux quand même nous rappeler ce qui s'est passé et comment toi ça t'a pu péter? Bah, à la base, en fait, j'en suis plus motivé parce qu'en fait, il y avait le. En fait, YouTube génère des sous-titres automatiquement, sauf qu'en français, c'est un peu n'importe quoi, donc même si on dit un mot, ça peut vite être un mot vulgaire alors qu'on l'a pas dit. Et du coup, en fait, le robot YouTube détectait donc ces fameux mots qui étaient. Enfin, tout ce qui faisait référence à la guerre, tout ce qui était sexuel, enfin, tout ce qui était un truc un peu violent pour tout ce qui peut être un peu dérangeant. Et en fait, à la base, c'était parce qu'il y avait beaucoup de publicitaires qui s'étaient plaints parce qu'il y avait leur. Enfin, d'entreprises qui s'étaient plaintes parce que justement, il y avait leur publicité qui était postée sur des vidéos qui étaient nazies, ce genre de choses, des trucs complotistes, tout un tas de trucs. Et du coup, ils avaient durci les conditions de monétisation. Et donc dès qu'il y avait un mot qui était un petit peu violent, que ce soit dans la description, que ce soit détecté par YouTube ou quoi que ce soit, hop, on se faisait démonétiser la vidéo, fallait faire une réclamation à YouTube, qui était manuelle et qui marchait plus ou moins, donc fallait en général attendre 3 jours ou quelque chose comme ça pour que ce soit réglé, donc de toute façon, une fois que les vues sont passées des 3 premiers jours, après, bah, ça sert plus à grand chose, donc voilà, et puis du coup, depuis le 20 février, ça a changé, donc maintenant, je crois que c'est des... C'est surtout les vidéos des plus gros youtubeurs qui sont surtout vérifiées. Maintenant, il n'y a plus de démonétisation instantanée. Quoi. Maintenant, c'est plutôt signalement ce genre de choses pour la plupart des youtubeurs. Donc ça, ils ont un peu allégé le truc. Dans un sens, heureusement, parce que les problèmes qui sont arrivés à YouTube, c'est à la base des erreurs de gros youtubeurs. Oui. Et tout le monde en a pâti à cause de ça. Ah bah clairement. Et l'affaire Logan Paul, ça a été... Ah bah, en plus, ils n'ont pas trop réagi sévèrement. Non, mais d'abord, il y a eu PewDiePie. Et puis PewDiePie, ah bon, déjà un plus, mais c'est vrai que t'as pris cher aussi. Non, non, mais clairement. Et le problème, c'est que ces gros youtubeurs, comme c'est le problème, ils ont plus de limites au bout d'un moment, parce qu'il faut toujours aller plus loin pour avoir des vues. Et plus t'es connu, plus il faut que t'ailles plus loin. Oh bah ça, je risque pas grand chose. Ouais, c'est ça, c'est qu'après les gens pensent à être plus extrêmes pour que les gens continuent à restent tout bêtement. Ouais, si tu continues à faire pas. Après, il y a des manières honorables de faire ça aussi. Tu prends le cas de Sherry Crush par exemple, sa chaîne YouTube elle marchait bien, c'est mise au porno et c'est très bien, tu vois. Ça ne regarde pas. Je sais pas qui c'est, mais ça doit être une fille très bien. Bah, tu peux taper Sherry Crush sur ton site de porno favori. Il y va immédiatement. C'est déjà ouvert. C'est le gros souci de YouTube, c'est ils se rendent compte que bah ils peuvent pas tout laisser passer. D'accord. Et du coup ils ont quand même fait du mal aux petits youtubeurs parce que maintenant il faut 4000 heures de vidéos et 1000 abonnés pour pouvoir monétiser sa chaîne. C'est ça. Donc, Et là il y a pas beaucoup qui peuvent se le permettre. Hein. Il y a pas beaucoup qui peuvent se le permettre. Ah non, et puis surtout attends, faut réussir à avoir la visibilité, hein. C'est ça. Je veux dire, YouTube met en avant, après, les plus gros et les plus petites aussi, vidéos. Hein. Ah non, mais je suis d'accord, Cosmo, mais qui va s'intéresser à aller regarder le travail d'un petit YouTuber si t'as pas quelqu'un qui te l'a présenté de base? Je veux dire, au début de YouTube. Bah, après, c'est à toi de faire ta propre com aussi. Ah oui, oui mais, bah, même les plus petits, on a beau faire parfois de temps en temps de la com ou quoi que ce soit, ça ne marchera pas si t'as personne derrière de plus gros. Bah, en fait, t'as deux choix. C'est toi, soit tu fais un sujet qui aille direct, soit tu le piston, quoi. C'est pour aller plus vite, c'est comme ça, sinon bah, tu vas galérer pendant des années, des mois, et voilà. Mais enfin, c'est bien YouTube, mais après ça reste un moyen d'expression, un moyen de... Oui. Est-ce que c'est grave si t'es pas monétisé, si bah, t'as si pas tu énormément veux, de le problème c'est toujours le est-ce que tu veux en vivre ou pas. Oui, non mais... Voilà, mais à faut la, pas à partir à dans la, cet à la état base d'esprit. YouTube. C'est ça. C'est si pas tu ça. Pars déjà dans cet état d'esprit, déjà t'es mal barré. Hein. Bah c'est un échec direct. Hein. Bah voilà. Non mais enfin oh, sinon ta chaîne c'est pour ça que je dis. Sinon ta chaîne bah, disons que s'il y avait pas de monétisation dès le début en fait personnellement moi je m'en fiche mais je veux dire si on nous le donne et qu'après on nous l'enlève. Bah, ouais, si par exemple un mec comme genre du Guany ou quoi qui passe un mois à faire sa vidéo qui se fasse démonétiser parce qu'il a dit un mot bizarre ou je ne sais quoi, je trouve pas ça normal quoi. Mais après enfin après, YouTube va pas passer à côté d'une grosse source de revenus aussi pour eux. Ah non, mais, un jour du grenier, il peut faire ce qu'il veut, il dit n'importe quoi. Que YouTube mais n'est pas rentable à Google. Hein. Ah non, j'ai pas dit ça le contraire, mais c'est quand même une belle source, mine de. Il y a quand même oui, enfin, il y a bien d'autres choses qui sont très rentables à Google, je te rassure que YouTube, c'est. Ah non, mais je suis d'accord, mais le problème, c'est que YouTube ne leur apporte rien. Ils arrivent juste de quoi payer pour leur serveur. Pour faire fonctionner les serveurs, mais on peut pas dire que YouTube, c'est ce qui fait que Google s'enrichit, hein, c'est clair. Et après, les serveurs YouTube, ça doit leur coûter quand même une blinde. Enfin, c'est, en fait, ah bah, moi je parle de Google. Oui, une belle source derrière, quand même, on va pas se mentir. Voilà. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que YouTube, ça reste quand même une plateforme sur laquelle tu es libre de mettre ce que tu veux. Monétisé ou pas, bah si c'est monétisé, bah tant mieux pour toi. Mais enfin, moi pour dans mon point de vue, pas très grave. Mais après moi je suis pas youtubeur, enfin je suis pas, c'est pas ma source de revenus, ce que je veux dire par là. Mais en fait YouTube à la base il avait pas été pensé comme ça, comme une source de revenus. Enfin, à part pour eux quand ils l'ont créé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça avait pas été pensé comme un futur métier quand ça a été lancé. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, ben, il se trouve qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Alors comment on le contrôle, comment on fait c'est pareil pour les gens qui présentent des jeux vidéo ou même des séries ou quoi que ce soit. T'as toujours le problème des droits à l'image, des droits de propriété. Comment on fait, comment on départage j'utilise, je sais pas moi, un jeu Nintendo. Alors, ben, Nintendo, c'est les plus compliqués. Mais j'utilise un jeu Nintendo. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser leur jeu pour me faire de l'argent pour moi, bah c'est discutable. Moi je pars du principe que le jeu, déjà je lui fais une bonne pub, parce que déjà sur mes lives par exemple, je prends le cas de Mario Odyssey, c'était les streams qui avoisinaient les 50-60 personnes quand même. Hein. Et genre le jeu, moi je m'éclatais devant, et il y a au moins une dizaine de personnes qui sont venues sur mon stream qui l'ont acheté. Moi je l'ai acheté. C'est déjà ça. Ah oui, c'est ça. C'est le problème de Nintendo, contrairement aux autres éditeurs, c'est qu'ils ne comprennent pas que ça peut leur faire de la pub. Non, mais pour moi, le problème, c'est que quand tu achètes un jeu vidéo, tu n'achètes pas la propriété intellectuelle du jeu vidéo. Ah non, c'est sûr. Tu achètes le droit d'utilisation. Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, libre à Nintendo de faire ce qu'ils veulent avec leur propriété intellectuelle et de refuser. Moi, je les comprends, d'une certaine manière, même si c'est gênant pour les youtubeurs, etc. Mais je les comprends, de se dire, bah attendez, le jeu c'est moi qui l'ai créé, je veux pas que des gens gagnent de l'argent avec ma propriété intellectuelle, ce qui est normal. Je pense que n'importe quel youtubeur, demain, il sort une vidéo, il y en a un qui la copie ou qui fait quoi que ce soit et qui gagne de l'argent avec, il va dire, bah attendez, ça c'est ma propriété intellectuelle, vous avez pas le droit d'utiliser ma vidéo pour gagner de l'argent. Ah, donc, on en parle de toutes les chaînes de top. Oh là là. Ouais, voilà. Ah, les tables, les nightmares. Encore une fois, je suis pas YouTubeur. Je suis loin de tous ces problèmes-là. Non, mais si on part dans ces dérives de YouTube, parlons des enfants sur YouTube tant qu'on y est. Hein. Mais là, après, c'est un débat infini, hein, littéralement. C'est franchement un débat infini. On pourrait faire des émissions entières de 3 heures complètes entièrement pour dire tout ce qui ne va pas sur YouTube ou juste dénoncer tout ce qui cloche. Mais on pourrait aussi parler enfants, de ce qui va bien sur YouTube. Oui, on pourrait parler aussi de ce qui va bien, parce que mine de rien, il y a aussi des bons côtés dans YouTube. Bah voilà, on est quand même bien content d'avoir cette plateforme, même si voilà, c'est ça aussi. Voilà, c'est ça aussi. Bon. Oui, non, mais voilà. Merci, oui. On râle, mais on est bien content de l'avoir. C'est exactement ça, mais enfin, l'information base, c'était quand même cette fusillade qui s'est réalisée. Oui, cette nuit, merci de nous l'avoir partagé, Nevan, quand même. Bon, on connaît pas plus encore l'état, on va dire l'état des lieux entre guillemets. On connaît pas encore le nombre définitif de victimes ni quoi que ce soit. C'est pas encore comment ça va se passer. YouTube ou autre chose, c'est malheureux d'en arriver là. Quoi. Ah oui, dans tous les cas, c'est quand même extrême. Pour une démonétisation, ça c'est débile. Voilà. Oui, mais des cons, il y en a dans tous les domaines. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des cons un peu partout. Enfin, d'ailleurs, on a fait des gens non parce qu'elle a fait 3 blessés. Au final, c'est elle qui s'est butée, quoi. Donc Ouais. Ah, oui, merci. Oui, en plus, c'est vrai. Non, c'est ça. Hein. Non, c'est vrai, c'est vraiment suicide en plus. On va marquer juste une petite pause musicale quand même, et après, on va essayer de se changer un peu les idées avec un genre porno. De. Non, pas du tout, non. Okay. Un genre de mini blind test, on va dire ça comme ça. Je vais vous faire écouter des versions françaises de chansons, des reprises qui ont été absolument foirées. Vous allez devoir me trouver à chaque fois quel est l'air original. Mais avant ça, on va s'écouter une petite chanson, histoire de se reposer un tout petit peu quand même. On va écouter Good Time par Leroy. Ça vient de la bande originale de la série Scrubs. Je fais une petite dédicace à Isidore ici. Comme moi, aime beaucoup cette série. On se retrouve d'ici. Oui, c'est vrai, toi aussi d'ailleurs. C'est vrai, n'oublie pas que je ne suis pas super. Moi, j'aime mal. Pas. Alors, dédicace à tous ceux qui aiment bien Scrubs, qui est super, cette série est super cool. Donc, on écoute Good Time par Leroy, et puis après, on se retrouve, je vous dis, on verra ce petit blind test inspiré d'un podcast qu'on connaît grosso modo. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle 80s le podcast. Je vous ferai découvrir ça tout à l'heure. On écoute Leroy avec Good Time, et puis à tout à l'heure. Des bisous tout le monde. I got shot down in Southern California. All along you never loved me, yeah. Until the day that you shot me. Nothing I can do about it. Spending money never mattered, no. As long as daddy paid the damage, yeah. And now that you're living on the hill, I hope that your social life doesn't get you killed. Southern California. All along you never loved me, yeah. Until the day that you shot me off. And now that it's over, I hope that you find what you're after now. Juste après Leroy et Good Time. Moi j'aime bien cette chanson. En tout cas, j'aime bien beaucoup. J'ai passé beaucoup la série. Un bon moment avec Good Time. C'était sympathique. Ce jeu de mots magnifique. On va passer à un petit jeu qui est un peu moins sympathique quand même, qui est inspiré d'un podcast qui s'appelle 80s le podcast, qui est un podcast qui parle des années 80 dans tout le sens, que ce soit en large, en travers, que ce soit sur la musique, les émissions de télé ou quoi que ce soit. Et cette petite session de jeu est directement tiré d'un des cadeaux Bonux. Oui, parce que dans les années 80, il y avait des petits cadeaux dans les barils de lessive Bonux. C'est vrai, je m'en souviens. La dernière émission Bonux, c'est les reprises de chansons anglaises en français, qui sont pas forcément très très glorieuses, on va pas se mentir. Donc j'en ai quelques-unes sous le coude, et même j'ai dépassé un petit peu parce que j'ai sorti quelques chansons pour que ce soit un peu plus simple pour vous, etc. etc. Parfois il suffit juste de traduire les paroles et vous trouverez la chanson originale. Donc vous êtes prêts pour des débiles, hein. Ouais, légèrement. Je propose de faire l'éternel duel fille contre garçon. Oh non, bon, on l'a perdu. Ah non, parce que je suis malade. Moi, je vais être avec elle, elle va perdre parce que je suis une brêle. Hein. Mais de toute façon, on a même pas de buzzer comme on fait. On peut pas mettre les mauvais ensemble, l'histoire. Féminisme. J'avoue. Non, si vous voulez qu'on se mélange, on se mélange. C'est juste que pour moi, c'était plus simple. Allez, mélangeons-nous. Moi, je vais être avec Nevan. D'accord, donc déjà ça fait pixel spray contre les autres. Ah, merde. Ouais, bon. Nickel. Ouais. Alors pour la petite anecdote, quand même, pixel spray, c'était une web télé qui, je pense, aujourd'hui a fermé ses portes aux dernières nouvelles, je crois. Ah oui. On a un peu fait nos armes là-dessus et on a fait même quelques IRL et c'était super cool. C'est comme ça qu'on s'est connus, en tout cas, tous les trois. Comme ça que Capri se met dans l'escalier. Oh mon dieu, raconte les dossiers, ça c'est pas cool. Racontez-nous cette anecdote. Alors, tu veux vraiment que je la raconte? Très bien, on fait durer le jeu. C'est pas tout. On était dans la PixIRL. Grosso modo, on allait dans un bar qui était en sous-sol et il fallait descendre par un escalier qui était hyper étroit. Donc, attends, tu es descendu au bar, donc tu n'étais pas encore bourré, précise-le. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Parce que je n'avais même pas encore commencé mon premier verre. Moi, c'est juste le mot étroit qui m'évoque des trucs. Si. C'était juste après la Geekopolis. Je me souviendrai même que c'était juste après le concert du Nahal Band où je me suis explosé la voix, entre parenthèses. C'est super cool, le concert du Nahal Band. Et du coup, on est descendu dans un bar. On a fait la fête un petit peu. Comme tout le monde essayait d'aller prendre l'air parce qu'il faisait très chaud, au moment où on redescendait, je me suis cassé la gueule, mais violemment. J'avais même un très gros bleu. Au niveau des reins, etc., c'était assez hallucinant. Et Chi me dit « Oh, mais t'as picolé, t'es bourré !» Non, c'est pas vrai, mon verre, il est toujours là-bas, j'y ai toujours pas touché. Depuis, elle croit toujours que j'étais bourré, mais c'était pas vrai. Moi, je suis du même avis que Shivana. De ce qu'on m'a dit, moi, bon, j'étais pas là, mais... C'est dégueulasse. Voilà. Du coup, le jeu. Donc... On va commencer ce petit jeu de la version française. On va commencer comme ça. Donc du coup, ça va faire Pixel contre YouTube, on va dire ça comme ça, Pixel contre YouTube. C'est très simple, je vais dévoiler des chansons en version française. Il va falloir me donner la chanson originale. On est d'accord? Ouais, ça va. Bon, moi, donc pour prendre la main, donner de les airs, hein, que... pour prendre, même si tu donnes que les airs, je pense qu'on le prendra parce qu'il y a certaines qui sont très complexes. Oh non, moi je suis pas d'accord. Soyons précis dans l'intitulé de la question. Alors, est-ce qu'il faut l'air ou est-ce qu'il faut le titre? Il faut dans l'idéal, il faut le titre. Alors, dans c'est l'idéal, titre 2 points, l'air 1 point. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, d'accord. On part là-dessus. Si t'as les paroles, moi je suis là pour gagner. Je suis pas là pour rigoler. Oh là là. Alors, on va commencer avec une première chanson. Elle est assez particulière. Je vous la ferai écouter juste après. Partenaire particulier, non? Non. Non, bon, perdu. Alors là, il y a la petite intro de la vidéo YouTube, ça, je suis désolé. Et là, on y va. Oh putain, ça me dit quelque chose. Bellbator? Non. Mais quelque chose. C'est générique de quelque chose, ouais. Non, pas du tout. Ah bon? C'est pas In the Navy? In the Navy! Oh, le mec est chaud! Bonne réponse de Dédaille, 2 points. Ça, c'est une version qui s'appelle Dans la police. C'est un belge qui chante ça. Il faut la playlist, après. Écoute, tu vois, le refrain est absolument mythique. Nique la police. Le refrain est absolument magnifique, vous allez voir. Elle est magnifique cette reprise. Pourquoi elle a pas fait succès? Je comprends pas. C'est la version pays. Moi je danse devant mon écran, je vais pas. Il est chaud, papy. Complètement. Voilà, dans la police quand même, c'est assez particulier, oui. C'est assez particulier de comparer à In the Navy. In the Navy, quand même, ça ressemble plus à ça. C'est la même intro, littéralement. Ah, mais ça ressemble. C'est vraiment la même intro, c'est vraiment une version française de In the Navy. Mais qui a l'idée de faire ça? Bah, un mec qui cherchait à faire percer sur YouTube, à mon avis. Alors, je pense alors, pour te dire, il s'appelle Plastique. Plastique, Bertrand. Plastique, en deux mots. Ça, c'est la version originale de In the Navy, des villages plutôt. Est-ce qu'il la mode pour percer sur YouTube, c'est de faire des fusillades? Oh non, c'est dégueulasse. Ou de filmer des cadavres. Ah bah, toujours dans le trash, mon humour. On va passer à une nouvelle chanson. Pour l'instant, 2 points pour les pixels. On écoute nouveau titre. Oh, putain, merde. Oh, putain. Je le sais en plus. Merde, comment ça s'appelle c'est quoi le titre? You're my heart, you're my soul, non? Bonne réponse de Dédaï. Non mais alors voilà, moi je tiens Yorma Soul de Modern Talking. C'est que des trucs de l'époque de papy. Bah oui, c'était il l'avait prévu. Ça s'appelle Avec toi contre toi. Avec toi contre toi. Vous allez voir, écoutez un petit peu, ça s'appelle Avec toi contre toi. Ouais, c'est la traduction là. Avec toi, contre toi, contre toi. Oh là là. Mais très bien, c'est une version française. Moi, je préfère les versions françaises de toute façon. Voilà, pour celles et pour ceux qui ne connaissaient pas You're My Heart, You're My Soul, c'était Modern Talking. Ça, c'est les versions originales quand même, hein, de You're My Heart, You're My Soul. Ah, mais en plus, je l'avais dès le début, mais j'arrivais pas à retrouver le titre, mais j'ai les 2 points. Il va nous défoncer. Pour l'instant, il y a 4 points pour les pixels, 0 pour les YouTube. Ah bah vous avez bien voulu écouter un petit peu la... jeune, là. Mais... Voilà, c'est celle-là. Voilà. You're my soul. Le mec qui se vient de se réveiller, You're my soul. Écoute, je fais ce que je peux, hein. Incroyable. Allez, chanson suivante, hein, on veut les chansons. Chanson suivante. Il est chaud, patate. Ah, mais c'est le seul qui est chaud, hein. Ah, mais moi, je suis chaud, patate. Comme la brève. Alors, très bien. Alors, du coup, nouvelle chanson, attention. Vous allez voir, même l'intro est traduite. Vous allez comprendre pourquoi. Camarade, je suis prêt à me lever, à faire mon truc. Ouais. Je veux entrer à l'intérieur, homme, tu sais. Comme une machine à sexe, homme. Ah, sexe machine. Ouais. Sexe machine. Il a littéralement traduit l'intro. Même avant. Ah, je vous l'avais dit que j'étais pas une merde pour ce genre de truc. Non, bah, on respecte, hein. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment la traduction littérale du monologue du début. Fait par James Brown. Ça, cette version s'appelle Machine à sexe par les éponges. Les éponges. Gros groupe. Ça s'appelle le groupe appelle les éponges. Le gang des éponges. Voilà. Je crois que c'était le titre complet Machine à sexe par les éponges. On va faire chier. Voilà. Pour l'instant, il y a quand même 6 à 0. Quand même, pour l'instant, vous êtes en train de c'est vous ridicule. Défoncer, hein, littéralement. C'est ridicule. Bon, littéralement, on va parler un truc des années 2000. Hein, parce que... alors, écoute, on va remonter encore plus loin. On va remonter encore plus loin. Avec une chanson, chanson de Mireille Mathieu. Oui, elle a fait une reprise en français. Si vous arrivez à le retrouver, c'est assez simple, je vous l'accorde. Lionel Richie, mais je sais pas. C'est Lionel Richie, mais où est le titre? Hello? Non, c'est pas ça? Si, c'est Hello, absolument, c'est Lionel Richie. Ah oui, putain, Hello. Tout bêtement, ça s'appelle... Allô? Allô? D'ailleurs, le titre a été repris par Microsoft plus tard. Une sale histoire. Ça, genre... Je vais essayer d'aller jusqu'au refrain, parce que sans déconner, celle-là... Ah, Mireille. Est-ce que tu m'écoutes? Enfin, les traductions, quand même, ça devient un peu quand même. Oui, il y a bien que la traduction. Voilà, respectez Mireille. Pardon, mais ça ne voudra jamais la version originale de Lionel Richie quand même. Oh. Ça, c'est la vraie version originale. Is it me you're looking for? Oh, mais Lionel Richie en fait. Je veux la version des Die. Est-ce qu'on peut enregistrer une version? Oh non, non, non, c'est bon. Oh, j'ai pas envie de percer sur YouTube, moi, c'est bon. Alors, ce qui est bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup dormi, c'est que ça va pas les réveiller. Ça endort. Ça endort légèrement. Si vous écoutez ce podcast pendant la nuit, ça va de vous endormir bien comme il faut. Je préfère définitivement la version des Die. Moi, j'y peux. Ouais, bah, complètement. On est bien d'accord. Alors, pour cette chanson, je vais inverser les rôles. Je vais vous faire écouter la version originale. Alors, en même, c'est même l'extrait d'un vieux film, donc le son va pas être forcément évident à entendre. Je vais monter un peu le son pour vous. Pourtant, c'est une musique qui est très connue, surtout pour nous. Et comprend pourquoi. Écoutez bien la musique derrière. Home, nothing. I'd like to try this thing just once. Come on, honey. We'll show them a thing or three. Ah, la carioca. C'est la carioca, exactement, Dedai. Bien joué. C'est qui le prochain participant? C'est en effet la carioca. Ça, ça fait combien? Ça fait au moins 8-0, peut-être même 10-0. Ça, là. Ça fait même 10-0 là actuellement. Oh là là là ça, là là. Ça, c'est la vraie version de la carioca. Oh, la ce qu'on a entendu, ça vient du film qui s'appelle The Carioca, sorti en 1933, avec Ginger Rogers et Fred Astaire pour la petite histoire. Moi, ouais, évidemment, je connaissais l'original, c'est pour ça. Tu dansais la carioca? Ça, c'est la vraie version, enfin la vraie version, ça, c'est la version originale faite par Alain Chabat et Gérard Darmon. Je pense que je reconnais par cœur, littéralement. En même temps, excusez-moi, je peux pas m'empêcher, mais j'adore ce morceau. Et littéralement, si on écoute la chanson originale jusqu'au bout, il y a vraiment les paroles, au moins le premier couplet. Il y a au moins le premier vrai couplet. Après, ils font n'importe quoi, mais il y a au moins le premier vrai couplet de la chanson originale. Et ça fait quand même 10-0 pour les Pixels, je suis désolé, là, il faudrait vous réveiller un petit peu. Un peu un score de rugby, hein, moi je dis ça. C'est un petit peu un score de rugby. Ah, mais moi je l'ai dit, ce genre de jeu, je préfère pourquoi, le basket, mon donc cerveau, ça va. Il a dit non. Non mais ce genre de jeu, mon cerveau, il arrive pas à reconnaître les chansons, il est là. Mais moi en fait, le souci que j'ai, c'est que je les connais pratiquement toutes, mais je pourrais pas donner un titre en fait. Donc, oui, je comprends, impossible. Je comprends totalement. Au revoir. Putain, cette chanson. Alors, nouvelle chanson. Il en reste deux, donc ce serait bien de remonter un peu au score. Je fais quoi? Je fais 5 points. On a gagné. Je fais 5 points pour la réponse pour YouTube, ça serait pas mal. Oh non, là, je vais me donner la réponse. 1000 points si on trouve pas. Encore une fois, je vais vous faire écouter la version originale. Elle est pas évidente, celle-là. Essayez juste de traduire les paroles. Et juste en traduisant les paroles, vous arriverez à trouver le titre. Ouais, mais on est toujours dans les années 80, là. Ah oh ben là, plus que jamais. D'accord. Non, on est en 2017 en fait, c'est ça le problème. En 2018. Bravo. L'air que vous entendez n'est pas forcément celui que vous allez reconnaître. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas un truc de James Bond déjà? Oui, Non. Non. Tu peux me pleurer des rivières. Mais non, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. C'est quoi la traduction? Cry me a river. Cry me a river. Cry me a river, exactement, c'est celle de Justin Timberlake. Bah ouais, Cry me a river. Justin Timberlake, bah alors. Et encore, c'est pas tout à fait la version originale. Ouais. Ça, c'est même la version de Justin Timberlake, le clip de YouTube, mais... bonne réponse encore une fois des pixels. Ça, c'est la version Cry Me a River de 2003 de Justin Timberlake. Quelqu'un peut réveiller Evan, je crois qu'elle s'est endormie. Ah non, mais Evan, pour ce genre de jeu, elle est naze, hein. Je l'avais dit. Hein. Alors, et encore, même celle-là, c'est même pas la vraie version, la vraie version, c'est celle de Elsa Fitzgerald, Cry Me a River. Et oui, parce que là, c'est pas chance. Trop les années 2000, Justin machin, là. Ah, Justin Timberlake, c'est 2003 quand même. Oui, mais c'est de la merde. Ah oui, c'est de la merde. Très franchement, j'ai déjà pas aimé ce moment-là. Ça, c'est Elsa Fitzgerald qui chante Cry Me a River, la vraie version originale. D'accord, d'accord. C'est celle-là que Victor Laszlo, celle qui chante Pleurer des rivières, s'est inspirée. Quelle histoire! Inspirée. Incroyable! Oui, ben, c'est ce que j'ai dit, c'est de la traduction, littéralement. Les travaux chez moi, c'est perturbant. J'aime bien cette version. Elle est beaucoup plus posée, elle est vachement bien. C'est limite chez le bar un peu. Ouais, moi le piano je connais pas, mais le bar par contre. C'est une très très grande chanson. J'adore cette version. Un dernier titre. Allez, un dernier titre, histoire de finir en beauté, histoire de voir si les pixels vont mettre la branlée totale au YouTube. Et moi je vais révéler ma carte piège. Oh mon dieu. Quoi, la carte piège? Oh mais j'étais pas au courant. Alors là encore une fois, ça va être un extrait de film. Normalement, dès les premières notes, ça devrait sortir, littéralement. Un extrait de film? Vous allez voir. Ah, Bambino? Et c'est Bambino. Mais c'est la victoire totale. C'est Bambino, c'est l'écrasante victoire totale des pixels. C'est la version de Jean Dujardin, interprété dans OSS 117, ah, le Caire, oui, nid d'espions. Ah, mais je cherche quel chante, film. Mais il en la fait... chante en arabe, mais c'est Bambino. Absolument. Je vais vous monter le son complètement. De toute façon, c'est une power, il est meilleur. Voilà quand même. Incroyable. La version originale de Bambino. Alors bizarrement, celle-là, je m'en passerai un petit peu. David, moi, je suis pas fan. Hein. Je vais être très honnête. Bon, mais personne n'a jamais été fan, en fait. On sait pas comment elle a fait carrière. Hein. Mais apparemment, il faut croire que si. Qu'est-ce que tu veux? Du coup, mine 2, à la fin de la version originale, le jeu de la version originale, on sort avec une écrasante victoire. Non, c'était sérieux. Une écrasante... Quand même. Une écrasante victoire, quand même, de 12 à 0. Bah, disons qu'il a plus ou moins, après le deuxième point, gagné par abandon du reste de... Oh bah voilà, vas-y. Donc on prouve encore une fois la vieillesse de Dedai. La sagesse, la sagesse. Pas la vieillesse, ça me vexe un peu. Mais la sagesse. Et voilà, on va dire ça. Capou, est-ce qu'on se ferait pas une version de... Enfin, une question de merde? Ah. Alors, tu sais quoi? Avec plaisir. Vas-y. J'en cherche. Alors, une question de merde. Alors, pour vous situer ça... Mais c'est moi qui explique, c'est mon jeu. Bon, d'accord, vas-y, explique. Calme-toi, ça va bien se passer. Mais vas-y. Oh, mais il est trop bien, ce jeu. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Question de merde pour geek, trouvable chez tous les Micromania à 14,99 TTC. Ah, attends. Alors, vas-y, dis. C'est un jeu, on a, il y a plusieurs façons d'y jouer. Et la première façon, le mode easy, comme le dit le mode d'emploi, c'est simplement on pose des questions et puis on choisit entre nous la plus drôle des réponses. Sachant que c'est que des questions de merde, c'est que des questions sur l'univers geek. D'accord. Du coup, je vais choper. Et on remet la musique. Donc il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à proprement parler. Vous savez, il y a pas de bonne ou de mauvaise situation. En fait. C'est vrai, j'ai dit que c'est avant tout des rencontres. Allez, vas-y, pose ta question. Alors attends. Alors il y en a trois sur chaque carte. Alors la première, c'est pourquoi les schtroumpfs sont-ils bleus? Alors moi je propose de laisser Shyvana, parce qu'on l'entend pas. Ouais, c'est vrai. Commencer. Shyvana, est-ce que tu as envie de commencer par répondre? Oui. Je dirais qu'ils sont baignés dans du curaçao. Ah. Voilà, un truc avec de l'alcool, bon voilà. Ah, c'est pas con. Nevan, dis-nous moi, tout. Moi je dirais qu'on les a tous tellement étouffés un par un qu'ils finissent blanches. Ah donc pourtant en fait le monde des Schtroumpfs c'est une représentation de l'au-delà en fait. C'est ça. L'au-delà des gens qu'on a étouffés. C'est ça. C'est ça, c'est les petits nourrissons que les mamans veulent pas qu'elles écrasent. Toi tu es valide. Mon t'as petit dédaille. Alors moi je me prononcerai pas sur la couleur des gens. c'est voilà, je trouve ça pas. C'est pas raciste. C'est raciste. Et bah Capoué du coup. Moi je dirais c'est quand on les a conçus. Il s'est un peu gouré, il a. Ouais, je sais pas, il devait mettre. Non, je sais pas! Il y a un truc à merder, ils se prennent la même couleur que nous! Oh là là! Pour moi. Pas. Oh là là, j'ai mis un petit peu trop bleu à la préparation! Mais... Oh zut alors! Oh, vous faites chier! Vous avez pris toutes les bonnes réponses aussi, vous êtes chiant! Ok, deuxième question. Et surtout, est-ce qu'on peut dire de réagir en commentaire, de vous proposer vos théories sur la couleur bleue des Schtroumpfs? Ah, parce qu'on peut mettre des commentaires. Oh là là. Bah évidemment. Non, mais toi, nous, on s'en fout. Mais les gens qui vont regarder après. Non, mais moi, oui. Mais... De toute façon, t'es pas sur YouTube. Parce qu'après, faut les lire les commentaires des gens, c'est un travail, ça. Alors, deuxième question. Comment cuisiner un lapin crétin? Capoué. C'est facile. Avec des carottes naines. Oui. Comment tu dis quoi? Mon petit dadaï. Des petites carottes, civet, des carottes. En civet, c'est le mieux, je pense. En civet, ouais, je suis assez d'accord. Nevan? Dans une machine à laver. Ah. Ah bah, c'est quoi, j'y pensais. Une machine à laver. Alors, c'est. Parce que les lapins crétins, ils se déplacent en machine à laver, en fait. Non, ouais, mais d'accord. Mais une machine à laver, ça lave. Ça cuisine pas. Bah, si. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ils sont crétins. Peut-être qu'avec eux, ça marche. Parce qu'ils sont crétins. Ça existe totalement la cuisine. J'ai même pas entendu la question en fait. Comment tu peux cuisiner un lapin crétin? Ah! Oui, répète la question! Et du coup, Shyvana. Bah, j'irai avec une moutarde débile. Ouais. Eh bien, merci. Merci, Carambar, voilà. C'est incroyable! Oh, je pense qu'on peut aller très loin avec ce jeu. Ouais. Mais en fait, tu sais quoi, à chaque fin de stream, quand je finis les streams, je pose les trois questions aux viewers et parfois il y a des trucs qui sortent, mon gars. Quel monde regrette, tu as sans doute regretté mon jeu musical quand même. Allez, la troisième question. Alors attends, j'ai perdu la carte du coup. Ah merde! Oh merde! Ah, bah, attends, je vais en trouver une cool et puis. En attendant, ça va? Dernière question. Ah. Après la page de pub. Comment draguer un robot? Comment draguer un robot? Nevan. Ouais, je sais. Tu présentes mon grippin. Ça va chauffer entre nous. Dead. Bah écoute, moi ça sera en lui mettant les doigts dans la prise. Voilà. N'en dirais pas plus. Ce qui semblerait dangereux pour toi, mais voilà. Ah, c'est direct, hein. Shyvana? Ah, je lui enverrai une lettre avec marqué 1001100001. Ah, le binaire ça marche, c'est ouf. Et Capoué? Je lui offre des pièces détachées. C'est pas mal. Parce que toi, t'achètes plutôt son amour. T'es un peu désespéré quand même. Ah, attends, je suis désolé. Je suis désolé, mais oui, moi, à un moment donné, je peux pas. Enfin, quand on me connaît, on sait très bien que je suis obligé de payer. La génération Twitch, ça, hein. Les gens, ils payent pour avoir l'amour. Génération Twitch. Bah oui. Bah, je pense que j'irai la voir comme ça. Je lui dirais, ça t'intéresserait que je rentre mon port USB dans ton. Ah, mais non, c'est l'inverse. Ta clé USB dans le port USB. Ma clé dans ton port USB, ça serait mieux déjà. Ma clé USB. Ouais, ma clé dans ton port, ouais, ça c'est pas mal. Oh là là. Ça devient dégueulasse. T'as pris mal dans ta pousse femelle. Incroyable. Bien. Tu nous fais une dernière salve avant de terminer avec une petite. Vous voulez encore, parce que j'ai rangé les cartes du coup. Je me suis dit, on en fait 3, c'est bien. Une dernière. Ouais, on fait ça plus tard. Non, une dernière. Ça marche. Bah attends, je ressors les cartes. Ça veut dire qu'Apoué, il est pas prêt. Bah, fais une dernière question. Non, pas du tout. Pas du tout prêt, même. Meuble, pitié, meuble. Me pose pas de questions. Quel personnage de fiction... quel personnage fictif choisirais-tu pour défendre le mariage pour tous? Oh, je sais. 100%, moi je prendrais Hulk. Ah, moi je sais. Ah bah dis-nous. Tintin. T'es le seul mec qui couche avec un capitaine quand même. Y'a pas une seule meuf dans Tintin. De quoi c'est vrai, vrai. Bah, j'ai pas une seule meuf dans Tintin à part la Castafiore. Oui, il y a Bianca quand même. Mais à part la Castafiore, c'est tout. Putain, la Castafiore, elle est insupportable. Bref, Deadeye. J'en sais rien, Stormtrooper. Qu'est-ce que... Tu me poses des questions. Nevan. Ryo, de Street Fighter. Ryo, pour Street Fighter. Pour péter des mamans, tu veux. Mais non, ouais. Parce qu'avec ouais, Ken, ça... je suis désolé. T'en joues un petit peu, mais... Oui, forcément, t'es... Oui. Avec Ken, gay homosex, tout ça. Bah oui. Pas avec la solitude quand t'es en retraite sur ta montagne Yamabushi. Et que t'as qu'un petit jeune de 20 ans, bien en chair. Oh mon dieu, ça devient dégueulasse. Ah, ça devient yaesque, ouais. Ouais, non, mais c'est l'entraînement sous la cascade. Je dirais Bob l'éponge, mais j'ai pas d'argument derrière. Ça revient à dire. Franchement, t'aurais une justification, j'aurais dit oui, mais. Voilà. Y'a rien, quoi. Pourquoi pas? Bon, bah merci Cosmos pour ce petit jeu. C'est toujours très drôle à faire de toute façon. Donc, oui, tu nous as dit que oui, ça coûte environ 14,90 dans tous les micro-magas de France. Je dis ça au hasard pour faire genre le mec qui est corpo avec son entreprise, tu vois. Mais je sais plus, je crois que j'ai payé 9,99 ou 7,99, un truc comme ça. Ouais, mais toi t'es employé. En vrai, il l'a volé. Mais non, j'y bosse. Faut bien l'essayer. Bah, justement, c'est plus facile de voler quand il bosse. Hein. Oui, non, mais faut être con. Ah bah t'as un taf qui te plaît, tu vas pas faire de la merde. Non, oh alors là, ça. J'aimerais qu'on termine l'émission avec. T'as pris le jingle de la météo là. Non, c'était le télé-shopping. Ah oui, télé-shopping. Oh là là, le mauvais. Non, il a encore perdu des points. Ah bah là l'équipe YouTube est à moins 15 quand même. J'aimerais terminer avec une nouvelle qui est tombée il y a quelques semaines. 2 mois maximum. Oui, à tous ceux qui n'étaient pas au courant, le 25 avril, sur TMC à 21h, le retour du Burger Quiz, les gars. Le retour du Burger Quiz à la télé à 21h. Ça a été dit, il y aura 3 émissions d'affilée, présentées par Alain Chabat, avec les mêmes jingles, avec la même ambiance. Avec la totale, ils nous sortent vraiment la même version qu'avant. Cette émission que, elle a fait le buzz en une seule saison. Il a fallu une seule saison pour que ce jeu devienne culte pour toute une génération. Pour que les boîtes de jeux se vendent même encore aujourd'hui en brocante. Oui, ouais, c'est d'accord. Non mais si, c'est vrai, c'est-à-dire que quand on les trouve, c'est une pépite de retrouver une boîte de jeux du Burger Quiz. Moi j'en ai retrouvé une comme ça, complète. Mais oui, c'est super cool. Même nous, dans les grosses émissions de Cantonic, on fait des gros Burger Quiz. On rajoute des manches. C'est toujours un jeu hyper culte et ça revient le 25 avril sur TMC à 21h. Quel dommage que moi je bosse à ce moment-là. Ça me dégoûte un petit peu. Moi je bosse pas. Je suis d'accord, mais je suis mitigé quand même sur la nouvelle. Parce que autant Alain Chabat, ça me hype de ouf, tu vois. Parce que ce mec, il a la drôlitude intemporelle, tu vois. Mais autant Buffy. Mais c'est pas dit que Buffy soit. Bah tu dis avec les mêmes gens, la même ambiance et tout. Ah mais quand je dis ça, mais c'est que pour l'instant, on sait pas qui va y avoir encore. Apparemment, ouais, tout ce qu'on sait, c'est que oui, c'est la même équipe qui a fait, qui a monté, qui a créé le Burger Quiz, et ce sera exactement les mêmes aux manettes. Et que au lieu des Robin des Bois, tu vas avoir quelques stars de la nouvelle génération, etc. etc. Que tant qu'il n'y a pas que Madame Souris. Je l'aimais beaucoup à une époque, mais il a bien changé. Ah oui, mais bon, ça c'est pareil. T'es là, tu verras. L'ombre de lui-même. Voilà, c'est ça. J'aurais préféré que ce soit Capou et Kanim, ils sont le meilleur. Je tiens à dire que moi aussi j'aurais bien aimé. Pardon. Ah, ça pratique l'autofellation par ici. Ah, bah écoute. Ça fait des jeux que c'est un jeu que j'adore faire et j'adore créer les questions et à chaque fois c'est un vrai kiff de vous faire poser, toutes les questions les plus stupides les unes que les autres. Alors puis quand moi même. Je suis obligé de dire du bien de Capoué, il a sub à ma chaîne donc partant là, voilà c'est tout. C'est un petit peu dégueulasse quand même. Bah, c'est comme ça. Et tant qu'on est encore dans l'autofellation et avant que je vous donne la parole pour les derniers mots. Le 22, 23 et 24 mai, votre serviteur passe à la télévision. Ici, c'est vrai. le 22, 23 et 24 mai sur France 2 aux alentours de... à partir de 18h dans un des rares jeux télé que je trouve assez intelligent, basé sur la langue française, qui s'appelle Tout le monde a son mot à dire, et je trouvais ça vachement bien, et en plus j'ai rencontré Olivier Mine et j'ai même gagné un petit peu de pognon. Ah, donc, c'est pour ça que tu aimes bien le jeu. C'est-à-dire que si j'avais perdu, j'en parlerais pas autant, tu vois. Je comprends bien. Tout bêtement. Donc 22, 23, 24 mai, à partir de 18h, ouais, ça c'est ma petite fierté quand même, mine de, donc c'est pour ça que je me la pète un tout petit peu. Pour le reste, on vous laisse un petit dernier mot avant qu'on donne tous vos liens, etc. pour tous vous retrouver. Cosmos, un petit dernier mot sur toute cette matinée que nous avons passée ensemble. Et toute cette soirée, pardon, tout l'enregistrement de ce podcast. Bah, la prochaine fois, faites passer à 9h. Mais voilà. Écoute, je peux pas faire autrement pour l'instant. On voulait faire un truc correct, on voulait enregistrer rapidement, on a fait ça que le matin, c'est comme vous pouvez faire. Mais oui, la prochaine fois, on n'enregistrera pas le matin. Mais sinon... C'est cool, on a bien rigolé et tout, j'espère être réinvité un jour, c'était trop bien. Évidemment. T'es pas sûr avec le score que t'as fait À chaque fois on prend les meilleurs joueurs et on change de jeu, c'est ça. Elle me dérange. Dédaï, un petit dernier mot pour toi. Oui, non, bon, j'ai la victoire modeste, alors je m'étendrai pas trop sur le sujet. Mais t'as entendu ça il y a quelques secondes. Non, bah c'était cool, bah merci. À refaire si j'en ai la possibilité. C'est vrai que c'est bien cool. Et puis voilà. Bon, à part Cosmo qui est un peu désagréable de temps en temps, c'était bien. Alors à ça, je répondrai sur le coq où se trouve la bite. Je cherche là, mais. Sous les plumes. Oh, tiens au courant. Hein? Il y en a qu'une qui a la référence, quoi. Oh mon dieu! Pardon, je l'ai trouvé. Nevan, pardon! Tu peux ton petit dernier mot pour aujourd'hui? Comment ça s'est passé? T'as bien? Très mal passé, j'ai très mal vécu cette expérience. Bah, je te réinvite pas, hein, c'est bête. Ah, surtout pas. Surtout pas qu'une bande d'enculés pareil. Hein. Oh! Tant de vulgarité, moi je suis choqué. Non. Oh mon dieu! Non, c'était sympa. Bon, tant mieux, j'espère. Et alors là, sur qui son avis compte le plus? Shimada! Bah, c'était cool, merci, voilà. Okay. Merci Shimada! Écoute, c'est court, j'ai envie de dire. Moi, ce que j'aime bien avec Shimada, tu vois, c'est que c'est clair, précis, y a pas de rap, tu vois. Pas de théorie, voilà, c'est ça. C'est ça, très clairement. Y'a pas de. Ouais. Je vous déteste. Je vous déteste. J'ai dit au tout début d'émission, c'était des gens que j'appréciais plus ou moins. Bon, bah là, les cartes. Maintenant, c'est plus moi que plus quand même. Bah ouais, c'est en train de baisser largement. Enfin, c'est pas grave. Du coup, pour vous tous, merci tous d'avoir écouté ce grand podcast, quand même. On essaiera de faire quand même vachement d'améliorations pour la prochaine fois. Ah, on va bosser là-dessus. Faire du mieux. Franchement. Beaucoup de choses. Franchement, beaucoup de choses. Changer de présentateur, peut-être. Oh, bah voilà. Malekoum Sataï. Bah la prochaine fois, il y aura Kawaii Mat, hein. Vous serez beaucoup mieux sans moi. Pour deux bras. Ah oui, Kawaii. De toute façon, entre potes, c'est pas PD, c'est se rendre service. Voilà, allez. J'en peux plus. Crevez, j'en peux plus. Pourquoi j'ai eu cette idée de faire des émissions comme ça? Tiens, on va faire un podcast, c'est cool. Bah non, on préfère les autres. Mec, il a tourné une émission pilote, il est déjà saoulé. Mais pourquoi j'ai un... Ça fait un an et demi que j'avais tourné cette émission, mon gars. Un an et demi. Ouais, mais tu changes t'as choisi format, ce matin. Tout ça. Oui, c'est vrai aussi, quelle idée aussi. En prime, t'as matin. Choisi le matin, quelle idée, franchement. Oui, c'est vrai, on est tous pas très très forts. Enfin bref, c'est pas grave. Je vous souhaite à tous une très belle journée aux écoutes de podcasts. Il y a beaucoup de podcasts qu'on peut conseiller, ne serait-ce que ceux de la team Javras. On peut écouter Le Duel, on peut écouter 80s, le podcast. Il y a beaucoup de trucs autant intéressants que drôles. Franchement, il faut en profiter un maximum. Le podcast a un bel avenir encore devant lui. On retrouve Cosmos sur sa chaîne YouTube Ultimate Cosmos. Exactement. T'as rien d'autre à ajouter? Non. Non, d'accord. Bah, si vous n'avez pas peur de langage cru et de violence. Bah déjà il serait pas sur le podcast. Déjà je fais pas de podcast, non. Voilà. Après ouais, je pense que le podcast c'est bien à regarder si c'est pas genre Cyprien ou Norman. Ouais bah on a pas la même notion de podcast. Pour moi c'est un truc qui s'écoute. Bah. Bah ouais mais tu peux toujours rajouter de. Enfin, je sais pas. Rajoute des évidences en fond. Ah, on mettra des photos de mon chien, tu vois. Ah voilà. Oh mon dieu. Non, c'est trop bon, Dieu. J'imagine des trucs bizarres, c'est vraiment bizarre. C'est n'importe quoi. Avec les conversations qu'on a eues tout à l'heure, pas mal. Dedai, on te retrouve sur Twitch et YouTube, Dedai52. C'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Tu fais quoi en ce moment? En ce moment? Moi, je fais des trucs qui emmerdent le monde. Ce super jeu dont on n'a pas beaucoup parlé qui s'appelle Ni no Kuni 2. Ah, en ce moment, ouais, c'est un peu ça, mais c'est un peu tout. Hein. C'est des jeux que j'ai envie de faire et que j'ai envie de partager. Un peu de shoot'em up, même si en ce moment, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est ma vraie passion du jeu vidéo, c'est le shoot'em up. Mais bon, voilà, peut-être qu'un jour. Oui, en ce moment, c'est un peu plus calme. Je reprendrai le temps de faire tout ça. Mais sinon, ouais, voilà, du let's play classique qui n'intéresse personne. Mais si vous voulez venir sub à ma chaîne, il n'y a pas de souci, je vous accepte. Voilà. Pas de problème. Nevan, eh ben, on te retrouve chez toi. Ah bon ? On me retrouve sur Twitter. Nevan les Lighting. Et en plus, ouais, squat chez les gens, généralement, c'est d'accord. Ceux qui sont présents ce soir. Moi, je suis comme un morpion, je squat. Putain. C'est, elle s'accroche et après elle démange. Ouais. Et pique là où ça fait mal. Shivana, on te retrouve évidemment sur la chaîne YouTube qui porte ton nom. Absolument. Bon, vous tapez The Walking Dead, vous allez le trouver de toute façon à un moment donné. Voilà. Comment ça s'appelle ? Il y a plus qu'elle qui en parle. C'est ça, c'est ça. Vous allez me dire, c'est elle. Oh mon dieu. C'est elle-même qui fait la série. C'est pour ça qu'elle en parle si bien. Connais tout en avance, c'est même elle qui dessine. En plus, j'avais même lu une news que le dessinateur, que l'auteur ne regardait plus la série. Non, ouais, il a trouvé sa merde et qu'il disait j'arrête. Ouais, il trouvait ça. C'est tombé. Moi, ce que je fais, c'est de la merde de toute façon. Mais ouais, il a dit je vais t'aider sur comics, la série c'était de la merde. Ce que je fais, c'est de la merde. Ouais, enfin. Ouais, bon. Ouais. Mais de toute façon, moi, c'est ce que je dis. Et moi, je dis allez voir le créateur parce qu'elle est pratiquement à 12K abonnés. Il faut y aller. Ah ouais, c'est comme ça. Merci. Ouais. Non, c'est vrai. Par contre, il y a du travail de qualité et ça, c'est vrai. Désolé, mais voilà, quand. Ouais, je veux dire, mais là, elle est bonne, quoi, je veux dire. Ah, voilà, il faut le dire, ça, il faut le dire. Ça fait quelque chose comme... Ça fait quelque chose comme presque 5 ans qu'on se connaît, je pense que depuis le premier jour, ça a toujours été le cas. Que ça a toujours été le cas de quoi? Que t'es bonne. Ah. Je sais pas, je veux dire. D'ailleurs, dans là, les statistiques tu sais quoi, YouTube... là, il faudrait que dans mes jingles, il aurait fallu Damien Baiser. Est-ce que dans les statistiques YouTube, les gens regardent plus de 5 minutes tes vidéos? Dans le cas contraire, inquiète-toi. Ouais. Non mais comme ça, hein. Tout ce que je dis. Voilà, ça devient dégueulasse. Mais non. J'ai pas salué tes déjà à l'écran. J'ai pas la joue. C'est pas des pouces qui lèvent, enfin bref, c'est pas grave. C'est pas des pouces. On vous souhaite tous une très belle journée, on se donne rendez-vous très vite. Pour un prochain podcast, et puis écoutez, ben oui, comme tous les autres, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à dire en commentaire, en tout ce que vous voulez, de qu'est-ce qu'on peut faire pour tout améliorer. Oui, changer le présentateur, ça je sais, ça a déjà été dit ici. Mais non, mais on rigole, putain. Et je sais, mais je suis frustré. De toute façon, la prochaine fois, c'est kawaii. Ah oui, ça c'est vrai. ça par contre, c'est vraiment possible. On se quitte avec God Save the President, on l'a écouté tout à l'heure, mais encore une fois, c'est du Groland et c'est quand même du bon son, mine 2. Et puis on vous laisse profiter encore. On a rien d'autre, donc on va le remettre. Non, c'est pas vrai, j'ai encore plein d'autres trucs, c'est juste que j'ai pas envie de les passer. Pour moi, je voulais terminer avec du bon son. Pour moi, God Save the President par les producteurs de porc de le groupe Grolandais, on va dire ça comme ça. Et puis écoutez, longue vie à Groland et Christophe Salengro restera toujours en tout cas dans nos cœurs, en nous. Grolandais. Merci à vous et on se donne rendez-vous très vite. À plus tard. The country of your petit. Voilà.